Bon, vous reconnaîtrez le début de toute façon. Hein. Ouais, oui. Il est iconique. Hein. C'est toujours Samuel. Samuel? L. Jackson? Ouais. Toujours. Mais on l'a pas en enregistrement. Oui, oui, bah oui. C'est, faut l'imaginer. Hein. Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PowerCast. Salut Jules. Salut Clément. Alors comment ça va? Oh, ça fait plaisir. Bien, putain, ça fait quoi, 6 mois? Ça fait depuis décembre. Ouais, ça date. Ça hein. fait 5 mois. 5, ouais. 5 bah, mois. C'est long hein, quand même. C'est une petite saison. Hein. Cette saison, 2-3 épisodes. Littéralement quoi, passé une saison, oui. Oui, ouais, voilà. Oui, bah oui, c'est ça. Bah aujourd'hui, oui, vas-y. Il me semble qu'on est accompagné de quelqu'un qui est venu souvent, limite une fois sur. Attends, du coup, ça fait combien? Une fois sur. Il est venu, c'est la quatrième fois qu'il vient. Sa quatrième fois qu'il sur vient. Sur 22 épisodes. Un habitué. Les 4 saisons. Il connaît, il connaît les meubles, il connaît les gens. Surtout les meubles. Surak, bienvenue. Mais merci. Enfin, ça fait plaisir, ça fait plaisir de te recevoir. Bonjour, mais c'est toujours un plaisir de revenir. La dixième fois qu'on a un Théo. Oui, oui, oui. Bonne probabilité de plus. Hein, voilà, sur, on adore sur ces les Théos. Fois, tout le temps. Déjà, dernier épisode, il y avait un Théo. Donc, oui, oui. Et d'où vient cette passion du coup pour le Théo On n'a aucune impro pour ça. On a rencontré Perron et puis après on s'est mis à fourmiller un petit peu partout. C'est une collection Théo, hein, c'est vraiment ça. Oui, hein, oui, bien sûr. Ouais. Il y en a qui collectionnent les timbres et puis voilà. Bon, on présente le second invité. Bonjour Vincent, comment ça va? C'est la pire présentation, je suis désolé. tu m'as pris au dépourvu, ok. Comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Merci. Bienvenue chez nous, dans notre belle édition. C'est un plaisir d'être là. Ah bah avec ouais, entouré d'animaux aujourd'hui. C'est vrai, on a carrément. Une tortue qui nous regarde, on a des poissons. Ninja, voilà. Les poissons qui se nomment. Oui, une tortue ninja. Cad et Olivier. Malheureusement, vous ne pouvez pas la voir, mais. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Bah, Jules, explique. Les deux invités. Ils sont en face de moi pour les gens qui. Pourquoi qui... on a invité donc, Vincent déjà... en fait, surtout? Déjà, on se tient la main. Là, ils se tiennent la main, il faut le dire. Il faut savoir qu'il y a trois quarts d'heure, on ne connaissait pas Vincent. Donc, ce sont deux comédiens. Voilà. Deux on peut le dire. Théâtreux, ça se dit pas. Ça se dit pas théâtreux, non? Oh, si, oh, oui. On a le droit de tout dire. Ouais. Le français est une langue vivante. On a le droit de le dire. Oui, voilà. Quand même. Bah, vous êtes comment on appelle ça? Une école, j'allais dire, mais non, pas vraiment. C'est un cours dans la rue, en fait, c'est une espèce de grand chapeau. Voilà, on s'entraîne. Dans l'école de la vie, quoi. C'est un peu okay. Ça. Oui, genre, on est dans vous une école, une formation. Sur 4-5 stations de métro différentes. Ah oui, c'est la petite tournée. On nous apprend à être très ambulant, quoi. Du coup, donc, ce qui vous relie, donc, c'est le théâtre, mais on vous... allez, je le refais. Non, ce qu'on refait, on recommence depuis la saison 1. Allez, on est plus dedans. Oui, donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui vous relie, c'est le théâtre, mais on voulait en apprendre un peu plus, même si toi, Théo, on te connaît bien, à force, quand même. Ah bah oui, je suis transparent. Hein. Mais, en fait, avant, on posait des... Enfin, non... Avant, ça fait pas si longtemps en vrai. Non, ouais, au tout non, début, il y avait le truc un peu à la Combini où on posait des questions très rapidement. Bon, ça, on a abandonné l'idée. Après, on avait un site qui s'appelait maquestion.com, on posait une question dessus. C'était une question pour mieux connaître les invités. Mais ça s'appelait mais vraiment maquestion.com. Oui, maquestion.com. Et alors, okay. Ce site a fermé. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Si vous voulez racheter le nom de domaine, il est avec plaisir, vraiment. Donc le site n'existe plus, donc là, on était un peu pris au dépourvu. Donc Jules a trouvé une question pour un peu générale pour mieux vous connaître. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment? Bah alors, dans la c'est vie. Quoi votre petit plaisir en ce moment, petit les gars? Petit plaisir quotidien, pas forcément. D'accord, on va le confesser, quoi. C'est l'instant confession. Ah, bah après, si c'est trop personnel, c'est oui, et si non, c'est illégal, ne le dites pas. Bien sûr. Ah merde, attends. Je peux commencer. Bah moi en fait c'est un plaisir. C'est en ce moment mais c'est un peu tout le temps. Ouais. C'est moi c'est le cinéma. C'est un truc. Voilà. Je vais depuis la grande toile exactement. Ouais. Je vais depuis tout petit et en fait moi j'adore passer du temps au cinéma. Donc voir des films dans la salle obscure comme on dit. Et donc oui, c'est un truc que je fais très très souvent. T'as un abonnement? Oui. Ouais, ça aide. J'ai mis longtemps à le prendre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je payais comme un débile. Un moldu, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ils ont les choses. Comme un débile dans toutes mes séances, alors que j'allais plein de fois, ne serait-ce que des fois, 3-4 fois dans la semaine. Ok. Et du coup, je me dis, en fait, ce serait très intelligent de prendre un abonnement pour payer plus moins cher. Oui. Et du coup, j'ai fini par le faire. Et là, tu t'éclates. Et du coup, je m'éclate encore plus. Ouais, ok. En fait, ça n'a rien changé. Juste, je paye pas quoi. Enfin, bah, je paye, ouais, moins, ouais. Je paye une fois par mois et c'est tout quoi. Il y a un petit forfait. Et c'est quoi le dernier film que t'as vu? Le dernier film que j'ai vu. Merde, attends, dernièrement, c'est quoi le dernier film que j'ai vu là? Il en voit tellement. Ah si, je suis allé voir Everything Everywhere All at Once. Au ciné. Qui est, ouais, au ciné, parce qu'ils l'ont. Ouais, ils étaient exactement avec la moisson d'Oscar qui a été. La moisson d'Oscar qui a été gagnée. Il a été ressorti en salle. D'accord, ok. Et bien alors? Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Eh bien alors, je l'ai vu, j'ai pas vu. Oui. Personnellement, j'adore ce genre de film justement où c'est très très perché, donc ça, ouais. Ça part très très très loin. Mais justement, vu que tout est assumé à 100%, ben tu te prends au jeu et, ouais. Et tu suis l'histoire à fond. Alors que t'as des trucs qui sont complètement décalés et tu te dis, mais à quel moment il peut y avoir. J'ai pas envie de spoiler donc j'en dis pas trop, mais t'as des enchaînements de scènes qui n'ont pas forcément de lien entre elles, alors que. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que tout a un lien et que. Les choses que tu as vues au début qui étaient très bizarres sont en fait reviennent et ramènent d'autres éléments à l'histoire. Voilà. Moi, okay. Je suis très très fan de ce genre de film. Donc, Bah, on nous l'avait déjà recommandé au dernier Powercast en disant que c'était le film de l'année 2022. Je pense que c'était Jules. Ah ouais, ça m'étonnerait que t'es au début déjà. Non, bah non, c'était Jules. Ouais. Je sais plus. Je sais plus. Un des deux nous l'avait recommandé et avait dit que c'était vraiment le film de l'année. Ouais, je suis assez d'accord. Okay. Je suis assez d'accord. Bah, vu le résultat et la moisson d'Oscar justement. A priori, il fait l'unanimité. Qui paraissait assez voilà. C'est intéressant. Oui, justifié. Un peu divisé, mais quand même. On peut être un petit peu entre deux tabourets quand même hein, là-dessus, mais bon. Bon. Et toi, Théo alors? Moi, mon plaisir actuel, moi je fais un bon retour au dessin. Voilà, j'essaye de développer ça un maximum, enfin d'avoir une rigueur un peu là-dedans. Dessin, et puis peinture, peut-être ou... un jour faire un compte Instagram dédié au dessin pour une grande carrière des là-dedans. Des visages, des corps, des cartoons. Beaucoup de visages, j'essaie beaucoup de partir du cinéma aussi, de partir d'images, de séquences qui me parlent, qui me touchent, enfin de plans et puis de dégager un moment particulier quoi de. Là, tu saurais me croquer la tronche, là. Ah oui. Une petite caricature de Jules, là. Littéralement, allez, en direct. Je le mets comme ça, là, pour rien, parce que... Là, le nez, là, tu vois. Toutes les ombres, la pyramide, là, de Gizet. Et c'est toi qui vas dessiner le prochain Lucky Luke, je crois, c'est ça. Exactement. Oui. Ça fait très longtemps que j'essaie de récupérer. Il est sur une session rente en plan, là, en ce moment, pour bien faire les ombrages et les patounes. Ok, et toi, Jules, quoi de neuf depuis la dernière fois? Quoi de neuf? Eh bah. On s'est acheté un appareil avec Clément. Oui. Et ouais. Ah oui, qu'on n'a pas pu utiliser encore. On ne peut pas encore l'utiliser pour une question d'objectif pas compatible avec le boîtier. Voilà. Enfin, acheter une petite bague d'adaptation. Ouais. Ça fait encore un bon 200 balles à dépenser. Voilà, ça nous a déjà coûté bien cher. Et après, on le reçoit les deux. On fait ah, bah les deux, ça semble pas. Non, ils ne s'imbriquent pas. C'est hyper chiant, oui, les marques d'objets qui correspondent pas. Bah ouais, je me suis fait avoir. Mais, du coup, on est quand même content parce qu'on va pouvoir retourner des petites conneries, des petits trucs. Ouais. Ah bah oui. Et puis, puis voilà, ouais, on est content. Donc ça, c'est notre petit kiff du moment là. Stéphane Bis. Ouais. Gros kiff. Grosse friandise. Et quoi d'autre, Jules? Toi, t'as plein d'actu depuis la dernière fois. T'as voyagé. Et ben, avec notre dernier invité Théo Sans la Ville, encore un Théo, on est allé en Thaïlande du coup avec les Deep Mérides. Ouais. Et on a fait 6 jours là-bas. C'était 6 jours, dont 5 de concerts. Et c'était encore une fois de la frappe. Des paysages, une mer bleu clair à couper perte de vue. Rien ne coûte cher, les gens sont trop sympas, des palmiers, de la chaleur en fait en janvier aussi, à vous le dire. Et un bon souvenir quoi, des shorts, bons concerts et tout. Ouais, des purs souvenirs, franchement trop content. C'est quand que vous étiez parti? C'était fin janvier. Si ouais, parce que vous en parliez déjà au Powercast en disant que vous alliez partir. Bah ouais, oui, sur la fin décembre. Et on avait déjà oublié. Ça commence à s'organiser, ouais. Et voilà, donc on espère que la prochaine étape ce sera le Japon, mais c'est pas avant 2024. Voilà. Ah, je savais pas que ça c'était si long. c'est pas pour tout de suite. Ouais. C'est un budget de Japon avec un autre groupe normalement. Donc. Ouais, il y a le budget aussi, j'imagine. Normalement ils y vont. Normalement je vais avec eux et voilà. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon, il est en transition. Sans transition. Je suis désolé. Oh, horrible. Quoi, qu'est-ce que je raconte? Oui, bah, à part l'achat d'un appareil, moi, qu'est-ce que j'ai de neuf? J'ai un boulot depuis la dernière fois. C'est important. Bah, ouais, c'était un truc qui traînait un peu où j'essayais de rentrer dans cette boîte que je peux citer qui s'appelle ZQSD. Notamment lié à Zerator et tout le stream français. Stream game. Voilà, donc je suis assez content, ça fait quelques mois là que je suis là-bas et ça se passe bien. Et sinon, petit kiff du moment qui est un peu une roco finalement, ça ressemble à des rocos. Hein. En ce moment, on regarde Sex Education avec Clémence, donc ma copine, et c'est vachement bien. Voilà, moi, j'osais pas passer le pas de cette série, j'étais en mode ouais, c'est un peu réticent, teenage et tout, oui, j'avais peur de ça. Et en fait, c'est ultra intelligent, c'est. C'est hyper intelligent, c'est très mature justement, c'est et tellement ça mature parle sur très bien tous les sujets et tout. Et c'est. En vrai, tu t'attaches vite au perso et ça joue bien, enfin voilà. Bah, c'est... par le biais de la mère, justement, sexologue, on voilà, est ça apporte beaucoup. Perso de... préféré, la mère, ouais, ouais, elle, elle est trop cool. Et charisme, ça t'apprend des enfin ça t'apprend ça peut éduquer aussi en fait mine de rien les plus jeunes aussi et tout et c'est trop intelligent comme série donc tu t'avais regardé aussi ouais. En direct quoi ok ouais enfin, moi voilà. Je suis à la saison 2 là donc ah oui bon. Spoil pas attention il y a combien de saisons il y en a 3 il y a la 4ème qui va bientôt sortir et il y en aura une 5ème avec Emma McKay et NQT je ne sais plus son nom qui va jouer Doctor Who qui du coup quitte la série puisque bah problème d'agenda je pense mais la 4 sera la dernière du coup pour d'accord voilà pour les c'était des persos principaux donc d'accord ok donc voilà et autre kiff aussi on joue aussi pas mal à Dinkum en ce moment c'est vous pouvez le retrouver en stream sur le stream de Camille que vous connaissez qui est déjà passé dans le podcast c'est un petit jeu un peu à l'Animal Crossing mais tu joues en multi et du coup c'est vachement cool à jouer, c'est super détente. Voilà, je recommande aussi. Okay, oui. C'est un peu c'est vraiment clairement Animal Crossing, genre t'es sur une ville, enfin tu bâtis ta ville, tu as des villageois et tout. Mais comme c'est en très, multi très en fait paisible, c'est paisible, bienveillant. Ouais, et ça se passe en Australie et du coup c'est un peu ensoleillé ah oui, et tout, c'est un c'est lieu sympa. Quand même ouais, existant. T'as des animaux australiens et tout et du coup genre quoi genre des kangourous. C'est pas vrai, assez australien. Oh, merde. Des émeus. On confond toujours avec l'Autriche. Incroyable. Okay. Encore un petit. Des crocodiles. Oh là là là. Dendy. On les visualise. Mais du coup voilà. C'est un croco là dans la boîte. Hein, oui oui, c'est pas une tortue hein, depuis le début. Ouais. Tu fais gaffe à vos doigts. Pardon. Et du coup, ouais, c'est vachement détente comme jeu. On se joue à ça les soirs comme ça, c'est cool. Un peu plus détente que Boomerang Fu. Boomerang Fu, mais oui, mais comment tu connais Boomerang Fu? J'en ai parlé accueilli là-dessus. Ah oui, ouais, on était en bas. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi peu. En ce moment. Je joue beaucoup à Boomerang Fu. Très très marrant. Un jeu sur Switch qui coûte pas du tout cher. C'est un jeu multi. On peut jouer jusqu'à 8. C'est très improbable. Comme... Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le jeu? Ça, bah, ça m'a l'air. Vas-y, du coup. Tu as découvert aujourd'hui. J'ai découvert aujourd'hui à mon grand plaisir. C'est un jeu où on s'affronte de 2 à 8, du coup, t'as dit? Ouais. Tu peux interpréter un petit avatar qui peut être tout ce que tu veux, une carotte, un machin. Et en fait, chacun est équipé d'un boomerang que tu dois lancer sur tes ennemis ou les frapper à la main directement avec. Un coup, c'est un mort. Et t'as plein de petits effets, comme le boomerang explosif, le boomerang qui te... Tu peux lancer ton boomerang et te téléporter dessus, etc. Et faire plein de feintes à tes ennemis. Tu peux te cacher en certains objets, selon les effets, bien sûr, que tu ramasses, etc. Et tu peux interagir avec le décor aussi, actionner des leviers pour écraser tes ennemis. Mmh. C'est... très très marrant, c'est, en fait, c'est ultra rapide à jouer. Voilà, c'est aussi. Ça. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est un jeu ultra rapide en fait. Tu les tues et hop, tu passes au niveau suivant, c'est pas grave c'est en fait. Un round, c'est maximum 30 secondes quoi, ouais, et ouais. Au minimum bah, une seconde quoi. C'est et c'est très accessible en fait pour ceux qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est très facile à comprendre. Bah, en vrai, on vous montrera une partie. Oui, partie. C'est être une carotte ou quoi. C'est pas un travail tout court. On parlait de la tranche de bacon. Oui, on parlait de la tranche de bacon, c'est vrai que c'est vrai. Donc on vous conseille aussi ce jeu et c'est très cool. Mais du coup, on fait un peu des recos au début, mais on en refera aussi à la fin de l'émission. Il nous en reste dans notre besace. Du coup, le fil se tisse. Quoi ? Le fil se tisse. Le fil se tisse. En termes de kiff, j'ai juste oublié de parler de Hogwarts Legacy, qui était le jeu Harry Potter, qui était ultra buggé au début, mais pur jeu quand t'es fan, tout est ultra respecté. Très narratif quand même, non ? Enfin, moi qui ai commencé à y jouer, il y a beaucoup de dialogues, mais. Oui, oui, au début, au début. Ouais. Et la quête principale est pas ultra bandante, je trouve, mais oui, c'est un adjectif que j'utilise. Alors que c'est vraiment, tu joues à un enfant dans le jeu. tu as 15 ans. J'ai dit la quête, j'ai dit. Émile Louis valide la vanne. Émile Louis est très content, il adore le jeu. Et en revanche, les quêtes secondaires. C'est pas avant la quarantaine pour jouer à ce jeu-là. Non, mais moi, ce que j'ai kiffé dans le jeu, c'est que vraiment, tu peux te balader dès le début dans Poudlard et en fait t'es pas obligé de faire la quête principale du tout. Et ce qui est, un peu reproché au jeu, c'est que vraiment tu fais des quêtes principales déjà où tu tues des gens a priori, enfin sur certaines missions ça peut arriver. C'est comme Batman, il tue pas, mais dans les jeux Batman tu oui, c'est un peu délicat. Oui. Et après tu reviens dans Poudlard et genre tu te balades et personne n'est en mode ok, il s'est passé quelque chose vraiment. C'est le gros Danny, non mais il est un peu perturbé, il fait ce qu'il veut. On a essayé de l'arrêter, mais on continue. Mais en vrai ouais, c'est quand même très kiffant, il est très beau le jeu, il tourne super bien sur mon ordi alors qu'il commence quand même à vieillir. et même j'ai cru qu'il fallait que je change de carte graphique avant d'installer le jeu et même pas moi aussi j'avais vraiment peur et au final ça tourne nickel, assez bien il a l'air très beau, il tournait et tout, c'est juste très beau, il est très beau ouais. Enfin, juste être à Poudlard et que ce soit bien reconstitué, ça doit être intéressant. Ouais, mais alors, si t'as lu les livres, t'es encore. Si t'as vu les films, c'est déjà très cool. Si t'as lu les livres, c'est encore mieux. T'as encore plus de références. Manqué à moitié d'ailleurs. Ouais. Bah, notamment pour les chambres communes aussi, en vrai. T'as ça, mais même tu reconnais des portraits des fois, t'as plein de trucs comme ça. Ouais, c'est bien fait, il y a des bons easter eggs. Et même des personnages. Oui, du coup. Vas-y, pardon. Non, bah t'inquiète, pas de soucis. On disait au début donc que vous faites tous les deux du théâtre. Ça va être un peu le thème de cette émission, même si on n'a pas vraiment de thème en vrai. C'est le lien qu'on a. C'est par l'autre, c'est par l'autre. Voilà, et le fait qu'on l'activité. Hein. Voilà. Comment vous C'est le lien qu'on a avec le fait qu'on se tienne la main. Ah oui, il y a ça aussi. Oui. Ils se sont pas lâchés depuis tout à l'heure. Rassurez-vous, on fait des petites pauses, mais on a quand même besoin de ce contact un petit peu là pour être liés. Pas que par le théâtre. Se réveiller. On précisera qu'on a une bonne gueule de chaîne aussi, si ça intéresse tout le monde. Il y a certains moments un peu des. Sur 4 protagonistes dans ce podcast, combien on dirait la gueule de bois. Oui, oui, oui. Alors on lève la main, c'est 3. C'est Clément, 4 fois, je crois. c'est ça, oui, j'ai un petit. Et si on lève la main. Moi j'oublie, c'est très agréable. C'est très mignon. Voilà, Vincent devient le prolongement de moi-même. Voilà, je vous conseille tous d'avoir un Vincent à côté. Mais c'est dommage qu'on ne diffuse plus sur Twitch avec la caméra, en fait, parce que là c'était visuel, quoi. C'est très faux, quoi. Mais dommage. C'est peut-être pour ça qu'il vaut peut-être pas mieux diffuser vu la gueule de chaîne, justement. Pour reprendre les termes, ça vaut peut-être pas le coup de montrer l'image. C'est pas le son est suffisant. Oui, c'est vrai. Mais depuis qu'on a enlevé la caméra, Jules tourne à poil, donc en plus on préfère remettre la caméra. J'ai ma main sur sa cuisse. Je suis à poil. Voilà. On est très content quand on met la tête sous la table. Il y a un beau slip. Regardez mes chaussettes parce que je transpire des pieds. Bon. Donc vous faites du théâtre tous les deux au cours Myriade qu'on embrasse. Absolument. Attends, cite. Ah bah oui. Je peux le bipper à tout moment. On n'est pas en direct. Attendez. C'est une marque déposée. Vous voulez le dire ou? Mais oui, on a mon dit. Ok, les cours Myriade, donc on les embrasse. Ah oui, Myriade, Peugeot, voilà, Renault. Et... pour en dire trois. On embrasse vos co. Comment on appelle ça? Vos collègues? Nos collègues. Ouais, bah oui, carrément. Voilà. Nos compagnons. Nos camarades de classe. Oui, qui cherchent un jeu de mots avec théâtre. Oui, certains comiques. Cracheurs de feu et autres joueurs de Diablo. La liste est longue. C'est parce qu'ils se lâchent pas la main. Non, mais je pense que ça nous rassure. Bien, en plus, j'ai l'impression. Non, mais oui, c'est vrai. Alors, ça commence à être un peu moite, mais en tout cas, il y a du fluide de transmission sur la table. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Il fait chaud entre nous. Alors je te disais, ouais, resserre-moi une pinte. Bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'on disait? Donc les cours Myriade. Donc oui. Absolument. Et la grosse question déjà pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous orienter sur le théâtre? Parce que toi, Théo, en plus, comme on te connaît depuis des années et que ça fait plusieurs années que t'as participé au podcast, on a vu ton évolution. Oui. Aux premières émissions, tu faisais pas du tout ça. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque d'ailleurs? Qu'est-ce que je faisais? T'as fait plein de choses. T'es pas obligé de tous les citer, hein, on s'en fout. Même pas du tout les citer, si t'as pas envie. Hein. Oui. T'es passé par mille chemins. Oh, bah oui, on peut le dire. Oui, il y a une recherche. En tout cas, c'est sûr que le théâtre était vraiment en fond, en toile de fond depuis longtemps. Ça m'animait. Quand t'en parles. Oui, aussi. Ouais. Et je pense que voilà, vous m'avez aidé aussi à passer le pain un petit peu. Ça me fait ravir. Bien sûr, non, bien sûr. C'est sûr qu'on a fait, beaucoup de choses ensemble. Oui. Et puis, moi j'ai passé le pain. En fait, je voulais reprendre des études. J'étais très curieux de pas mal de choses. Je voulais faire une fac d'histoire à ce moment-là ou d'histoire de l'art en distanciel parce que il y avait plusieurs possibilités. Enfin, j'avais pas forcément déménagé, je savais pas dans quelle ville aller. Et je me suis dit, quitte à reprendre des études à 24 ans, autant écouter vraiment et faire quelque chose qui m'anime et qui serait plus évident, quoi. Ok. Et donc Myriade, en fait, j'ai tenté, c'est ça. Myriade. J'ai tenté qu'une école. J'ai tenté Myriade, dont j'avais eu un écho avant, depuis l'ARFIS. Et puis voilà, ça s'est fait. Et trop bien. Ça s'est fait. Trop bien. Donc, c'était beau. Hein. Ouais, ouais. Et toi alors, c'était dur et deep. Hein. Ouais, non, mais parce que toi, Vincent, toi qui du coup tu dis que t'es passionné de cinéma, est-ce que tu voulais plus t'orienter vers plutôt de l'acting de ciné ou c'était comédien de théâtre et comment t'es tombé dedans? Ouais, voilà. Comment t'es tombé dans la marmite qui t'en peut te dire. Disons que je suis plutôt ouvert, on va dire, à tous les projets. L'idée c'est d'être pluridisciplinaire. Et donc le théâtre m'intéresse aussi beaucoup. Je l'ai découvert en fait, je l'ai vraiment découvert il y a 2 ans du coup en intégrant moi aussi Myriade. T'en avais fait un petit peu avant d'ailleurs. J'avais fait 1 an de théâtre amateur. Ok. Sachant que c'était l'année Covid, donc du coup c'était du théâtre amateur par Skype. Donc c'était assez particulier. Exactement, particulier. Ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu, il y a eu des trucs intéressants. Mine de rien, il y a des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr pas le contact, pas le jeu avec les autres, mais c'est une autre façon de travailler. Et en fait, il y a quelque chose à prendre aussi de ce travail en distanciel. Ça demande beaucoup de travail seul. Ouais. Et en fait, c'est une autre façon vraiment de voir le métier. Et oui, pas tous les jours. Donc là, il n'y avait pas le choix, donc c'était gênant. Mais ça peut être utile de temps en temps, mine de rien, d'avoir cette notion de se dire « Ok, j'ai pas l'autre qui va me donner physiquement le retour, mais je vais avoir sa voix. Comment est-ce que moi, je réagis en entendant que la voix ?» C'est un autre exercice, mine de rien, intéressant. Même si oui, malheureusement, en plusieurs mois de sessions Skype, parce que les confinements, les machins, où on n'a pas le droit de sortir, les jauges publiques, tout ça, on a vite fait le tour, malheureusement. Mais tout n'est pas jeté dans cette façon de travailler, même si c'est pas idéal, bien sûr. Peut-être qu'être privé de certains sens, ça te permet C'est ça, oui, ce que je veux dire par rapport aux contraintes. C'est un peu ça. Ouais. Ça développe vraiment du coup ton écoute, ta réception. Bah en fait, c'est ça, tout est dans le sonore du coup. Parce que il y a la vidéo du Skype, mais il y a toujours, tu sais, le petit décalage, le petit tu reçois l'image, il y a une seconde d'écart, enfin toujours ce petit truc de je suis pas vraiment dans l'instant, parce qu'il y a ce très très léger décalage qui suffit en fait à ne pas avoir le retour qu'on voudrait avoir. Ouais. Donc c'est une autre façon de travailler, mais c'est pas inintéressant. Okay. C'est pas inintéressant. Après, je n'encourage pas quand même les gens à faire du théâtre par Skype, parce que c'est pas du tout. Si on cherche quand même le contact. C'est vraiment. Quitte à le faire, faut vraiment le voir comme un exercice pas comme une façon de travailler. C'est vraiment juste un exercice de dire tiens, je vais tenter quelque chose de différent, mais voilà, ça peut être une fois, deux fois. Tant qu'à y être obligé, autant le prendre comme un exercice. Exactement. Mais sinon, exactement. Pourquoi pas en faire un truc complémentaire. Oui, sans la contrainte, je pense que jamais il y aurait eu cette façon de travailler là, parce que ça n'apporte malheureusement pas suffisamment de choses pour vraiment progresser et vraiment travailler. C'est comme tu dis, la contrainte qui fait que en fait c'est du dépannage, vraiment. Mais bon, mine de rien, ça m'a donné envie de continuer plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que ça ne m'a pas dégoûté. De me dire ah j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu vraiment travailler, tout ça. Au contraire, je me dis ben non, j'ai encore plus envie d'aller au bout d'un projet, d'aller au bout d'une pièce, d'aller au bout d'une pièce, exactement, en fait, vraiment d'avoir cette notion de travail de A à Z, de l'accomplir en fait, chose qui n'avait pas pu être accomplie avec le Covid, parce qu'on n'avait pas du tout pu jouer, puisque même avec les jauges, les salles, ça a été trop compliqué. Okay. Et en fait, on n'a pas pu se préparer suffisamment, justement, physiquement, de se voir, tout ça. Et donc, du coup, la pièce avait été annulée un mois avant qu'on la joue. Ah. ça a été spécial, quoi. Mais bon, c'est pour malheureusement beaucoup de gens, hein, c'était une période très compliquée. Oui, mais c'est sûr que c'est particulier comme entrée en matière, quoi. C'est pas plutôt. Tout n'est pas propice. Mais c'est justement aussi que j'ai dit, je travaille dans le tourisme, donc autre industrie qui a été sévèrement impactée par l'épidémie de Covid-19. Ah oui. T'as eu pif, toi, dis donc. Tu gères les bons coups. Et puis j'enchaîne en me disant tiens, je vais devenir salteur baroque. Ouais, c'est ça, vraiment. Et je me suis dit, un peu comme Théo, je rejoins sur ce point-là, Théo, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Et je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir, et donc de jouer, tout simplement. Et c'est pour ça que, pareil, j'ai fait l'audition de Myriad, parce que contact, rencontre, on m'a parlé de cette école, tout ça. Et j'ai été pris, et du coup, j'ai passé aucun autre concours. J'ai dit, on va voir ce que ça donne. C'est ça, c'était un one-shot, mais pour beaucoup, hein, je pense. Oui. Et du coup, votre école, c'était sur audition, vous avez dit ? Ouais. Vous devez faire quoi une fois là-bas ? Oh tout et n'importe quoi, gros délire. Les roulades, les galipettes. C'était pas si exigeant que ça, mais c'était. Il fallait préparer une scène de 3 minutes, je pense. Ouais. C'est un peu le temps réglementaire. Oui, c'est ça, une scène dialogue. Pour les concours, etc. Enfin, les auditions en général, c'est ça. Plus un parcours libre. Un parcours libre, ça peut être un monologue même tiré de film, je crois. Ouais. C'est assez libre. Du stand-up, un monologue, une danse. Voilà, de la danse, du mime. Ça peut être aussi jouer d'un instrument. Ça peut être vraiment plein de choses. Qui viennent avec une chanson. Oui, ça peut être du chant. Les gars qui ramènent leur batterie. Mais ça pourrait, par exemple, même carrément être de la peinture sur l'instant. Ah ouais. Ça, oui, potentiellement c'est possible. C'est potentiellement possible. En fait voilà, là c'est vraiment ça c'est vous les artistes. C'est voilà, c'est exprimer ce qu'on a, enfin c'est exprimer sa créativité, sa personnalité, donc c'est vraiment champ libre. Et moi j'étais parti avec un truc assez ambitieux et compliqué quand même, enfin pour la première audition de ma vie, j'avais écrit du coup une petite scénette et j'ai essayé de jouer les, je sais pas, il y a 6 personnages je crois. Et ouais, au bout de 3-4, je suis parti en live, je me suis dit, bon allez, on va atteindre, il y avait l'ambulance à côté, j'ai essayé de tout donner, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais rencontré aux imitations et j'ai fait une espèce de Gollum avec la voix de Lucky Neef. Donc c'était vraiment essayer, voilà, mettre le paquet, je fais des voix, merci, au revoir, mais c'était chouette en tout cas, enfin j'ai vraiment essayé de faire le maximum. J'aimerais qu'il y ait une vidéo de toi, ça. Toi t'es fait, moi j'avais fait un monologue de... Faut un petit extrait. Un monologue de... Merde. De Jean-Michel Haribe. Misé haut, misé bas. Donc Jean-Michel Haribe qui est un auteur de français de théâtre. Okay. Contemporain. Qui vous plairait bien, je pense. Ah oui, qui, très, ouais, ouais. Qui est très... En fait, il fait un peu tout, mais c'est beaucoup de la comédie, bien sûr. Mais c'est assez... Il y a souvent des messages, je trouve, moi, derrière ce qu'il écrit. Et c'est assez satirique. Okay. Et il y a des personnages très... à la fois, qui vont être à la fois ironiques et à la fois très sincères. Donc c'est... Moi j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup son style. Il a une écriture à lui, c'est un peu le blié du théâtre. Ok. Oui, dans, ouais. Dans le ton, quoi. Il y a ce côté très, très décalé. Bonne comparaison. Voilà, c'est un peu... c'est ça. Direct, ouais. Du coup j'avais fait un monologue de cette pièce. C'est très bien... Comment dire, enfin il a vraiment une, je sais pas, une plume, quoi. C'est à la fois il y a un truc très poétique, très bien écrit. Oui, carrément. Et en même temps c'est, ça peut être hyper grivois, très brut, quoi. Bah c'est ce qu'il, donc, est, c'est qu'il est capable, c'est à la fois de, quoi. Il est capable de mélanger des blagues et des genres sur une seule et même pièce. Excusez-moi. J'ai un gong. Vraiment. C'est l'heure de la rubrique sexo. Ok. C'est la question coquille. Non non. C'est la question coquille. C'est la question go. Qu'est-ce que tu disais, du coup, mon gong m'a perturbé aussi. Ouais. Donc oui, ça ressemble à du billier, il mélange... Du billier ? Du billier. Je comprends, du billier. Du billier. Bernard Billier. Du Billy Holiday. Et moi, j'avais une question pour toi, Vincent. Du coup, des gens qui ont fait du... Enfin, qui étaient en Skype avec toi en formation, est-ce que tu les as retrouvés après, plus tard ? Est-ce qu'ils font du théâtre ? Ils sont myriades ? Enfin, il y en a quelques-uns. Non, c'était vraiment de... C'est une vraie troupe amateur, donc c'est vraiment des gens qui ont d'autres métiers à côté. Ah ok. Donc qui ont une vie à part et c'est vraiment voilà, c'est leur passion de jouer. Oui, ok, et ça ils le font en plus de exactement. De leur boulot. Okay, c'est un loisir comme quelqu'un qui ferait du foot une fois par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment cette façon de pratiquer, c'est vraiment de l'amateurisme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Je dis amateurisme, c'est pas c'est amateur dans le sens aimé. C'est voilà, c'est vraiment pas la passion principale. Exactement. Voilà, ils le font pour le plaisir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont continué aussi après ça. C'est-à-dire malgré cette session difficile à distance, Skype, où c'était des exercices, c'était très difficile à mettre en place. Il y en a beaucoup qui ont continué. Alors, il y en a beaucoup qui ont arrêté, mais il y en a beaucoup qui ont continué, qui, je pense, ont eu un peu le même raisonnement que moi de se dire maintenant, j'ai quand même envie d'aller au bout, de le faire en vrai, de le faire en vrai, de jouer vraiment. On avait un groupe qui était quand même pas qui est, parce qu'il y en a encore qui sont là aujourd'hui, un groupe qui est très qui se tire vers le haut en fait, et c'est-à-dire que quel que soit ton niveau, tu peux être ne jamais avoir joué de ta vie pardon, ou être excellent, tout le monde se tire vers le haut, il n'y a pas du tout de compétition ou quoi que ce soit, et c'est quelque chose qui est rare dans ce métier puisqu'on est systématiquement mis en compétition, donc c'est très très plaisant d'avoir justement cette bulle de bienveillance et de vraiment de se tirer vers le haut, quoi. De tout donner pour le groupe. Bah oui, c'est en ce qu'il faut. Vous êtes sur votre dernière année, non, de au combien? C'est en deux ans. Pour toi coup, aussi, ouais. Vincent. Ouais, parce que toi, tu m'avais expliqué, Théo, que après, tu peux passer une sorte de concours pour continuer. Non, il n'y a pas un truc. Non, qui est pas lié à l'école. Qui est pas lié à l'école, mais ils ont longtemps parlé en fait d'une troisième année facultative. D'accord. En fait, elle existe un peu officieusement, c'est-à-dire que si tu veux justement préparer des concours pour des grandes écoles, les conservatoires, tu peux refaire une deuxième année. D'accord, en fait. C'est pas votre cas pour tous les deux. Non. Vous voulez arrêter là. Trop vieux. Malheureusement. Non, pas que. Ouais, malheureusement, c'est l'âge. Ouais, pour l'âge. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant aussi l'âge qu'on a, quoi, parce que de parler vraiment de cette envie, ce questionnement à un certain moment, de se dire bon, Après, on a encore le temps. Toi aussi, Jules, tu vas bientôt t'y mettre, n'est-ce pas? Ça serait bien. Mais j'ai déjà fait du théâtre. Évidemment, c'est jamais trop tard. Non, on a un gars qui a fait que la première année, mais qui est arrivé à 36 ans, qui a fait 15 ans de commerce. Et là, il marre bien. C'est vrai, oui, carrément. Et puis, c'est vrai que c'est l'avantage de ce métier, c'est que c'est un métier qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge. Ben parce qu'on peut avoir besoin d'un homme très âgé, d'une femme très âgée, et à l'inverse, d'un homme ou d'une femme très jeune. Donc, c'est vraiment un métier où il n'y a pas de retraite, puisque c'est un des sujets actuels. Qui ne s'arrête jamais, donc c'est hyper intéressant. Mais par contre, oui, l'âge est important pour les écoles, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup d'écoles qui ont une limite d'âge pour intégrer les cours, qui est souvent de 25 ans. D'ailleurs, c'est niqué. Conservatoire de Lyon, c'est 25 ans, par exemple. Après, beaucoup de grandes écoles, les cours privés, en général, eux sont accessibles à tout le monde. Par exemple, Myriad, il n'y avait pas du tout de limite d'âge. Il y a certaines grandes écoles qui ont cassé cette limite d'âge, par exemple les cours Florent, aujourd'hui, n'ont plus de limite d'âge, alors qu'il y a quelques années, il y avait une limite d'âge aussi. Mais il y a encore quand même cette façon de recruter du très jeune, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier un profil de 18, 19, 20 ans à un profil de, ben voilà, nous, 27, 28, qui est plus âgé, parce que je pense qu'il y a cette façon aussi de se dire il y a plus matière à faire évoluer quelqu'un de plus jeune que quelqu'un de plus âgé, c'est toujours... Qui a de l'expérience déjà. Exactement, dans la vie en fait. Oui, et puis il y a cette recherche aussi de esthétique un peu, cette recherche de jeune première qui reste et qui perdure. Ouais, mais vous trouvez pas ça dommage? Qui diffère comme du cinéma et du théâtre. Si, bien sûr. Parce que surtout, comme tu dis, il y a des rôles, il y a besoin de tout âge. Donc en fait, c'est con de prendre que des petits. Moi, je trouve ça très très très dommage, et surtout que c'est se couper à des talents qui se découvrent sur le tard. Oui. On le voit, du coup, on fait partie de ces gens-là aussi avec cette crise du Covid. Il y a eu pas mal de questionnements pour beaucoup de gens. On est nombreux dans notre promo à avoir bien plus que 25 ans. Et en fait, c'est pour moi, je trouve ça dommage, parce que c'est se couper et se s'empêcher en fait de voir et de profiter de talents privés de possibilités. Et puis l'expérience apporte aussi beaucoup, justement. Les expériences conjuguées, le vécu t'amènent forcément un recul, et puis tout est utile en fait dans ce métier. Une perspective que du rôle, vivre quelque chose, quoi que ce soit, ça, c'est utile derrière pour tu pioches des trucs de temps. Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un effet miroir. C'est beaucoup de vécu. C'est ça qui est difficile, justement, d'ailleurs. C'est qu'on utilise ce qu'on a vécu pour, derrière, retranscrire une émotion sur scène. Et donc, c'est difficile de ne pas se perdre, justement, dans cette frontière entre ce que j'ai vécu et ce que je veux seulement transmettre. C'est toujours difficile, et il faut faire attention, justement, de ne pas se faire du mal en revivant, je peux dire ce terme-là, en revivant quelque chose qui a été difficile, parce que j'ai besoin de pleurer, parce que j'ai besoin d'être en colère, parce que j'ai besoin d'être, quelle que soit l'émotion, de bien faire gaffe quand même, de se dire, ok, là je le ressors pour la scène, mais il faut que j'arrive derrière à dire, ok, c'est terminé, je referme le tiroir, et hop, je le rouvrirai seulement quand j'en ai besoin. C'est très fatigant en fait. C'est la fatigue mentale, mais c'est très très très fatigant. Voilà, et avec lui, justement, on travaille vraiment cet aspect... cet aspect émotionnel ou vraiment de rassembler les choses. Lui, il situe ça par exemple sur le plexus. Il nous apprend vraiment à rassembler en fait les émotions et à les visualiser comme une manette, quoi. T'as des touches qui se touchent, justement. Elles se touchent très bien. Non, je te crois. Tu touches très bien. C'est à peu près là, justement. Là, t'étais sur la colère, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, c'est plus tendre. Là, il y a vraiment un délire de... Non, mais pas non plus t'active un air et tout, mais voilà, c'est l'imager, en tout cas, imager un peu son puits émotionnel en nous, et puis... Et ça va être ses souvenirs, du coup, aussi, d'expérience. Ça peut bien sûr, naviguer en même temps sans trop l'user, quoi, mais juste, oui, c'est assez sportif de travailler ce rapport à... réussir à ouvrir une porte et puis la refermer très simplement, et savoir où elle se trouve en nous, comment l'activer, qu'est-ce qui fait que ça peut être durable, que ça peut être vraiment une ressource, quoi. Ouais, ouais. Et donc, cette image des touches, c'est que vraiment, l'idée, c'est qu'il y a un truc assez centralisé, et puis tu passes de la tristesse à la colère, sans t'y perdre, en acceptant, en fait, ce qui... Lui, il est vraiment dans cette notion aussi... joue avec ce que t'es, avec ce que t'as, quoi. Donc même dans le pire des cas, j'ai un exemple à la con, mais je veux dire, tu vas sur scène, t'as la chiasse, c'est incompatible normalement. Non mais voilà, Harrison Ford, il en a joué dans... Il faut que tu l'acceptes plutôt que de... Ah oui, sur toute sa filmographie, c'était crispé là. C'était crispé, qui fait son charme. Non mais voilà, en fait, d'accepter de pas être dans le déni de ton émotion en disant bah non, mon personnage est pas du tout dans ce registre là à ce moment là Voilà, tu vis ce que t'as et tu t'en sers pour permettre d'aller justement à l'émotion. Et aujourd'hui, mon personnage est comme ça, parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, mon personnage, il va avoir cette nuance qui va être ajoutée à lui. Ouais. Et pas se dire, non, il doit absolument être de cette façon, il doit absolument être en colère à telle réplique, il faut absolument que je crie. C'est une façon de faire. Hein, tu vas avoir des metteurs en scène qui vont te dire, non, il faut absolument que tu le joues comme ça à tel moment. Mais le problème, c'est que tous les soirs, tu vas jouer la pièce. Tous les soirs, tu vas être dans une émotion différente, dans une fatigue différente, dans une énergie différente. Donc en fait, tu pourras jamais vraiment le faire colère, toujours pareil. Une texture différente à Exactement. Chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ta journée, sinon, ça sonne très faux, c'est très mécanique, c'est plaqué, c'est cérébral et voilà, tu. Bah c'est du spectacle ça vivant. Pas, exactement. Donc, bah oui, c'est pas comme le rappeler. Cinéma, et c'est ça qui fait la beauté justement du théâtre comparé au cinéma. C'est ce côté, tu peux aller tous les soirs voir la même pièce. Bah, tu verras tous les soirs quelque chose de différent. Bah ouais. Alors que pourtant, la pièce est la même et le texte est le même. Mais les comédiens vont te jouer quelque chose de différent parce qu'il va y avoir une autre énergie qui va arriver tous les soirs. C'est ce qui fait la beauté de la chose d'ailleurs. T'as fait sonner le gong toi aussi là. Mais je sais pas ce qu'il bip là. Je pense que si je fais ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Chaque micro. C'est le ressort. Du coup, vous arrêtez les Courmiades là en fin de saison là par une pièce. Oui, ouais, je crois. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire après alors? Est-ce que vous allez continuer dans cette voie ou pas? Non, mais bah, ton remake de la grande vadrouille. Non, mais Vincent, je te demandais, est-ce que tu veux faire du ciné, toi qui adore le ciné? Ouais, toi, ça serait plus ça? Alors, plus le ciné que le théâtre. J'ai plus d'appétence pour le cinéma de base. Après, aujourd'hui, je refuse rien, entre guillemets. C'est-à-dire que je prends aussi le travail où il est, s'il y en a. Oui, allez, vas-y. C'est-à-dire qu'il faut pas déconner, passe-nous ton annonce. Et cette notion de, voilà, oui, bonjour, je cherche du travail, excusez-moi, n'hésitez pas à me recruter. C'est vraiment ça en fait. Je parlais tout à l'heure aussi de pluridisciplinarité. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est justement de faire tout. Parce qu'en fait, on a toujours des choses à apprendre, où que ce soit. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant de ne pas se cantonner à un seul art, par exemple le cinéma ou le théâtre. J'en ai jamais fait, mais par exemple, là, du doublage aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait d'essayer. Est-ce que ma voix fonctionne? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait du travail ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est se dire, tiens, c'est une autre corde à mon arc, en fait. Tu vois, constamment se former, constamment apprendre des choses pour développer de nouvelles compétences et se dire, tiens, demain on m'appelle, je sais faire ça. Demain on m'appelle, je sais faire ça. Et donc, oui, j'ai plus d'appétence pour le cinéma. Mais non, je ne veux pas faire que du cinéma. Ce serait vraiment dommage de te bloquer à ça. Exactement, ce serait dommage. Et puis, c'est très l'important, c'est que il y a aussi cette notion de passion qui fait que j'ai envie de faire un projet parce que ce projet me motive, parce que l'histoire m'intéresse, parce que le personnage est intéressant à défendre. Donc, ça peut être du cinéma, du théâtre, de la photo, ça peut être plein de choses. Okay. Quel que soit le support, tant que ça en fait. Nous touche, Ouais, tu penses pareil aussi, Théo, toi ? Oui, je suis bien d'accord. De toute façon, si tu t'arrives en disant je vais être Alain Delon ou rien, ou même pas ça, mais te cantonner au cinéma, de toute façon, c'est impossible et c'est bloquant et puis même pas intéressant, quoi, au final. Enfin, juste dans ton ouverture au métier, aux choses, ou comme tu dis, juste la recherche artistique, ce qui te touche, ce qui va te parler, c'est bien d'être ouvert. Ça fait un petit peu. Je pense, en tout cas, personnellement, que. C'est dommage de se limiter, vraiment. Oui. Après, c'est très bien d'avoir cette conviction-là aussi, et je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien, qui se disent « moi, c'est du cinéma ou rien ». Et puis, t'as des gens aussi qui sont, par exemple, très à l'aise devant la caméra et très mal à l'aise sur les planches. Public, c'est aussi tu deux... Tu m'étonnes. C'est aussi deux... C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont très proches, parce que c'est comédien dans les deux cas, mais le théâtre et le cinéma, ça n'a rien à voir, en fait, dans l'exécution. C'est très, très, très différent. Et ça demande des compétences qui sont à la fois similaires, mais à la fois, pareil, très éloignées. Ouais. Parce que, par exemple, au cinéma, on va te dire, là, il faut que tu sois en colère, mais tu vas faire la prise 10 fois. C'est-à-dire que les 10 fois, il va falloir que tu, sur la même phrase, que tu sois de nouveau en colère, et on relance, et on relance, et on relance, et on relance. Au théâtre, c'est tous les soirs, potentiellement, si tu as la chance de jouer tous les soirs, mais c'est une seule fois. C'est-à-dire que si je me trompe, j'enchaîne. Ouais. ça passe, c'est parti. Oui, oui, c'est très organique. Alors que c'est pour ça que c'est très différent du cinéma sur ce point-là, c'est que t'as vraiment ce côté, je joue dans l'instant, alors qu'au cinéma c'est beaucoup plus travaillé. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus, puis c'est cadré aussi. Oui, oui. Rien, au cinéma, par exemple, je fais un gros plan, je peux pas bouger. Mmh. Si je fais ça, je suis plus dans le champ déjà. Ouais. Comme pour le micro, tu vois, je viens de faire ça et du coup, on m'entend plus. C'est beaucoup plus organique. Et puis le cinéma, c'est aussi c'est un travail de salle d'attente, quoi. C'est vraiment cette notion. Ouais. Oui, journées sont très longues et voilà, t'as ta loge, t'es traité comme un roi, mais ça c'est pour les grands comédiens. Non, mais évidemment. Vous, c'est pareil. Mais quand même, tu fais un projet bénévole ou quoi, et que t'as pas un si grand rôle, il y a un. Oui. Comment dire, il y a un chouchoutement, un chouchouement des comédiens qui est assez fou. Enfin bref, ça c'est un truc un peu annexe, mais c'est vrai que les pratiques sont pas du tout les mêmes, ouais. Oui. Et du coup, ouais, moi je suis plus à l'aise en tout cas avec le théâtre, je pense plus, avoir de l'appétence. J'adore le cinéma et en faire partie, participer à faire du cinéma, c'est génial. Ouais. Et je pense que je suis plus, en tout cas pour l'instant, plus adapté à ça. Ouais, du coup, c'était techniques, une vraie révélation. J'allais dire, c'est le fait d'être devant des gens ou c'est la discipline justement plus organique du théâtre, hein, c'est un peu tout ça, ouais. Mais d'accord. Je pense que moi, je suis beaucoup plus mal à l'aise devant une caméra. Sur un tournage ou quoi. Enfin, ou cette notion de. Après, il y a quand même cette notion de. Voilà, c'est quand même cadré, c'est. Je peux m'y faire, mais cette notion d'attente aussi, de prise, de reprise, c'est pas une façon de travailler qui me convient mieux. Ça requiert un tournage requiert énormément de patience. Oui. C'est très long. Il y a des moments où tu vas rien faire pendant 4 heures et on va te dire ok, c'est à toi, c'est parti. Là on fait la scène où tu dois courir derrière le bonhomme et lui dire que tu dois l'arrêter. Alors que pendant 4 heures, t'as attendu sur une chaise, quoi. Putain, c'est vrai que ça... Tu m'avais pas dit que t'avais créé un truc. Bah, en fait, Spielberg m'a contacté pour son prochain film après Fabelmans. Là, il m'a dit... Je vais faire une course poursuite. Juste pour les gars, mais un spin-off, mais que sur le moment où il court. Oui, c'est chiant. C'est un spin-off sur les baskets. C'est toujours un quart d'heure de film, quand même. Oui, c'est vrai. Bon, elle est bonne, là, parce que je fatigue, hein. T'es sûr? Non, mais c'est vrai que oui, j'ai moi qui ai eu ma toute petite expérience dans le ciné, que j'avais tourné, c'était en octobre. J'étais Silhouette. Oh, c'est vrai, ça. Puis belle expérience avec quand même. Avec Monsieur Berléand, quand même. Mais oui, Monsieur Berléand et Sacré Costume. Qui est tourné avec Jason Statham, quand même. C'est vrai. Une poignée de main de Jason Statham. Dans le Transporteur, il y a François Berléand qui fait un flic marseillais. C'est vrai. Non, niçois, je sais plus. Ouais, ni soir, on va dire. Le sud-est. Disons du sud. Français. Putain, mais ouais, du improbable. C'est fou. Tu te dis, qu'est-ce qu'il foutait là? C'est vrai que Besson, il a réussi à construire des duos quand même assez impressionnants dans ses films d'action. De façon générale. Parce que même les taxis, il avait fait venir Stallone quand même. Oui. Pour la séquence. Stallone dans Taxi. Il y a une séquence. Je m'en souviendrai. Séquence d'intro de Taxi où. Dans le 1? Dans le 3. Putain. Ça commence sur Stallone, justement. Ouais. Mais il y a vraiment une séquence, quoi. Et il se barre en hélico, quoi. Oui, il se barre en hélico. Ça vraiment du tournage. Oui, c'est ça. On a filmé là, quand même. T'as eu des trucs. T'as eu Djibril Cissé aussi. Ça reste francophone, mais t'as vu Djibril Cissé aussi qui avait pareil fait une séquence dans Taxi où il fallait qu'il arrive au vélodrome pour le match. Et genre, t'as eu le taxi qui débarquait dans le stade. Ah oui, putain. Séquence mémorable dans les 11 commandements aussi. Mais oui, il y a que des. Djibril Cissé a une carrière en vrai de comédien qui est assez impressionnante. On l'oublie parfois, Qui a des rôles un peu à droite à gauche. Avec le ballon rond, là. Ouais. Mais non, pour en venir à Berléand, c'est vrai que dans le tournage que j'ai fait, moi j'étais que Silhouette, mais c'est vrai que t'attends, genre on a attendu pour tourner la scène. Moi j'ai attendu une bonne partie de la journée, on m'avait convoqué à 10h, un truc comme ça. Et je crois qu'on a tourné, il était 15-16h. Ouais, en fait, voilà. J'ai même mangé en costume et tout parce qu'en plus c'était un film historique avec le tricorne. En fait, c'est très bizarre parce que on commence à te maquiller, on te met les costumes et tout, donc t'es un peu en condition. Puis après tu restes avec ton costume pendant des heures et du coup tu perds un peu la motive. Et après on te dit bon allez, c'est ta scène et tu dois y aller. Ça fait 5 heures que je suis là où je suis avec les techos à discuter. Et en fait là on me demande de jouer un mec médecin du 16e. T'étais un médecin? J'étais assistant du médecin. Et ouais. Il sort bientôt, je sais pas. J'ai, non, mais c'est cool parce que t'étais dans un truc en plus assez spécifique. Enfin, tu vois, t'étais plongé un peu dans la médecine de l'époque. Enfin, t'aurais pu être vraiment. Oui, talonneur, mais là, t'avais une pratique. J'avais un rôle important, j'avais un nom et tout. Je sais plus comment je m'appelais. Ouais, t'étais vraie silhouette. Ouais, et c'est Un jour fille, il s'appelle le film. Un jour fille. Très bien. Jean-Claude Monod, le réal, son premier film. Mais il a pas été sélectionné à Cannes. En tant que premier film, il voulait l'envoyer, mais et apparemment, ça s'est joué sur l'assistant du médecin. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Ils ont dit qu'il faudrait couper cette scène. Mais non, quand festival, du coup, c'est marrant que tu parles de couper les scènes parce qu'il y a ça aussi. Il y a énormément de comédiens aussi qu'on ne voit jamais, oui, qui sont coupés au montage. Mais même des grands comédiens. Très grands comédiens. Aurore Clément, moi j'ai toujours cet exemple de Aurore Clément dans Apocalypse Now, qui est donc une séquence que pratiquement personne n'a vue, parce qu'elle est dispo que dans la version longue du film, où il y a une séquence de 20 minutes où elle joue, elle fait partie d'une troupe française du coup au Vietnam. Ok. Et en fait, donc elle a tourné plusieurs jours. C'est un sacré tournage. Ouais. Et coupé au montage, même pas crédité du coup au générique, quoi, rien. Alors que c'est une comédienne. Du coup, c'est vrai que c'est sûrement un nom qui va pas parler à tout le monde. Puis surtout ce tournage-là. C'est assez spécial. Et puis bon, le film est déjà long en version courte. Version longue, et du coup. Peu de gens l'ont vu, du coup. J'imagine Kubrick qui aurait fait ça à Shelley Duvall pour Shining après avoir fait 138 prises. Il aurait juste un gosse. On va en prendre une autre. Après lui avoir filé 10 ans de thérapie après, le trauma et. C'est cadeau. En fait, t'es moche. Allez. C'est pas diffusé, c'est pas payé. C'est ça. Vraiment, un petit projet bénévole. T'as quand même de l'ordre, Jack Nicholson a une main sur l'épaule, c'est. Et elle a pas les coups payés au reste du film, tu comprends. Non, c'est l'hôtel, c'est Shining. Non, mais ton talent se loge vraiment dans ton épaule, en fait. C'est tout. Il a. Peut-être qu'il évoluera un peu, mais. C'est joué là. La pauvre, quand même. Bah là, on parlait de. Tout à l'heure, là, de faire attention, justement, à bien garder la frontière entre le personnage et soi-même, tout ça. Ben voilà, Shirley Duvall est excellent exemple de quelqu'un qui justement a été brisé par cette frontière qui a été dépassée. Alors, parce que ça a été forcé, ce n'est pas d'elle-même, mais voilà, très très bon exemple. Quasi tous les, et surtout les comédiennes, en fait, malheureusement, des tournages de Kubrick, Barry Lyndon aussi. C'est vrai. Il n'est pas réputé pour aimer. Je crois qu'il lui a demandé de s'enfermer quelques mois pour être vraiment mélancolique. Donc ça devient un peu extrême quand même, l'impact sur la vie personnelle. D'ailleurs, paraîtrait-il que Heath Ledger pour le Joker, c'est du bullshit complet, le fait qu'il soit devenu fou à cause du rôle et machin. Je crois qu'il s'enfermait dans la vie. Il a fait l'expérience, mais ça fait mitigé. Non, ça allait, machin. Il a fait overdose, il me semble, et je crois que c'était pas lié. Overdose de médoc, mais ouais, parce qu'il était. Bipolaire, je crois. Il y avait un délire, mais c'est pas le rôle qui l'a rendu fou. Oui. Non, mais oui. Mais c'est un moment où on savait qu'il était malade, malade. Ouais. Ça a aidé, oui. Que limite, il s'est suicidé en. Enfin, tu vois, c'est un peu extrême, quoi. Voilà, non, en s'ouvrant les lèvres. C'était plus simple que ça. Foutu pour foutu. Bon. Mais incroyable. Est-ce que ce serait pas l'heure? Non, on peut continuer un peu encore. Vous avez des expériences de théâtre que vous avez vues? Qui vous ont marqué ou pas? Mais t'étais plein de ressources, t'as plein de questions. Moi, je parle pas depuis tout à l'heure, t'es un journaliste. Je suis dans le thème. Oui, je suis journaliste. Tu passes, plein de ressources. Après, on a super. Il a tout recruté par BFM. On a peut-être ton expérience de silhouette. On n'est pas allé jusqu'au bout si t'as. De quoi? J'ai pas compris. C'était ça. Non, mais que vraiment, en fait, t'attends et en fait, tu joues et tu dois être dans la scène et. T'as pas de réplique. Et en fait, tu viens de faire 5. Non, j'avais pas de réplique. Moi, même pas un petit raclement de gorge. À un moment, ils ont hésité à me faire une réplique. Ils m'ont installé le micro. J'ai joué la réplique et après, il fait non, mais en fait, on va l'enlever. Non, mais c'était même pas pour ça. J'espère que c'était pas parce que je jouais mal, mais non, c'était parce qu'en fait, il disait. Mais en gros, ouais, fallait que je dise. Vous pouvez sortir un truc comme ça. Et après ils ont dit non mais en fait ça a aucun sens qu'ils disent ça, on va l'enlever. Putain le fardeau l'assistant. C'est vraiment pas ça. Pourquoi vous le dites tout le temps comme Bourville, c'est fou quand même. Docteur 43ème prise. Non mais chaud. Elle était même pas née à l'époque là, c'est un anachronisme terrible. Tu fais Donald là, mais qu'est-ce que... C'est un sketch de Mr. V d'ailleurs, le feu Bagalo. Oui, à chaque fois, il fait juste la silhouette. C'est ça, il doit faire juste une silhouette. Il est figurant, il doit juste présenter un produit. Il a juste tourné la tête, je crois. Oui, c'est ça. À chaque fois, il tourne n'importe où. Je fais comme ça, mais ça part en tous les sens. Il est même un autre acteur, je sais plus qui c'est. Oui, c'est bien Ninet. Il a mis Pierre Ninet. Oui, c'est vrai. Pierre Niney. Et justement, je crois qu'il disait ça. Non, mais ça fait trop Pierre Niney. Genre. Ah oui, c'est complètement con, cool, putain. Donc, oui, très fort, Mister Oui, voilà, très mais, fort. Okay. C'est un peu ça en fait. Après, faut te mettre dans la scène. Et c'est vrai que moi qui n'en avais jamais fait, enfin, tu vois, Berlian, je pense que lui, c'est plus facile pour lui. On lui dit, bon, bah, joue ta scène. Lui, en 5 secondes, il se met dans la scène et c'était bon. Mais c'est vrai que bah, pour moi qui n'en ai jamais fait, se mettre dans le bain, surtout sur un truc historique et tout, savoir que le texte, je l'ai reçu le jour même. J'avais pas le texte avant. Enfin, je veux dire, je connaissais pas du tout l'histoire et tout, donc je pouvais pas vraiment préparer avant. Oui, donc vraiment t'es dans le truc direct et c'est pas évident, ouais. C'est sûr qu'au théâtre je pense que t'as plus de, tu peux plus anticiper quand même ton rôle, Oui, te mettre dedans, sauf si c'est quoi, de l'impro, bah, t'as plus de temps pour improviser, pour anticiper, et en même temps tu dois faire face à l'imprévu, voilà. Au théâtre c'est autre chose, voilà, t'es engagé sur la journée, ouais. T'as pas connaissance du truc, ouais, voilà. C'était un petit rôle, forcément t'as de la préparation avant, mais c'était quand même une super expérience. J'ai pu faire le raccord regard pour Berléand. Ouais, j'étais derrière la cam et il me regardait en jouant son rôle. Il a souri là. Non, c'est ça en plus, c'est que Berlian fait peur quand il joue. Et, ah oui. Et là, il a un rôle en plus assez sérieux et ça faisait, c'était assez impressionnant quand même quand t'as Berlian qui te regarde dans les yeux. Après, et... Statam, malheureusement. C'est vrai qu'il a un rôle plus intimidant. Ouais, non, mais il est assez impressionnant. C'est vrai que quand il est arrivé sur le set, c'est Berlian quoi. C'est pas. Tu lui as parlé du Il a un peu de bouteille français. Quoi. Il avait fait l'office le bureau, c'est François Berléand qui joue le rôle de. Enfin, l'équivalent de Steve Carell. Ah ouais ? Ouais, il est fatigué par la vie, quoi. Ouais, bah. Ouais, il a ce côté, oui, voilà. C'est... Il a toujours fait des méchants, je trouve. Les choristes. Oh putain, c'est vrai. Ouais, c'est de la ref. C'est le cauchemar, c'est vraiment le directeur. Bah ouais. C'était ça mon souvenir de lui. Enfin voilà, bref. Donc, oui, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, souvenir de théâtre pour vous. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé voir beaucoup de pièces ? Moi pas énormément. Moi j'essaye. Ouais. J'essaye. Alors il y a une notion de budget qui est quand même oui, malheureusement ouais. Aller au théâtre c'est cher. Oui. Voilà, déjà l'abonnement cinéma voilà on peut pas avoir même tout. Même si en tant qu'étudiant on peut profiter voilà, quand même de réductions. L'avantage il y a des partenariats de aussi, l'avantage de ouais l'avantage d'être en école de théâtre souvent c'est vrai qu'il y a des tarifs préférentiels. Et qu'est-ce qui vous a marqué ? Est-ce que vous avez une pièce qui vous a marqué dans votre vie ou ? Ah oui moi clairement Ivre. C'était hier. Oui, c'est ça. Oui. Mais en gros, on a voulu faire un remake. Ouais. Ça a pas bien marché. Donc, pardon, t'as dit de qui ? Ouais, c'est Viripayev. Moi, je sais pas, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir. Et je crois que c'est Viripayev. Je crois que c'est Viripayev. Bon, c'est un auteur russe. Okay. Qui a été. J'ai entendu Manu Payev. Ah non, Viripayev, pardon. Non, cherche un jeu de mots avec Yves. En vrai, j'ai un doute sur l'auteur. Désolé si je me trompe. Bon, mes pièces pour de les auditeurs. Mais en fait, parce que la version française originale s'appelle Ivresse. D'accord. Et donc, c'est une traduction officielle donc, du russe. Mais cette pièce a été écrite dans un russe plutôt bagou. C'est un russe très. C'est plus du dialecte que vraiment le russe moderne qu'on connaîtrait, qu'on pourrait croiser dans les rues, sur les panneaux, tout ça. Mm-hmm. Et donc, c'était un texte qui était très. Qui dénonçait. Qui critiquait le régime russe, tout ça. Ok. Récent, donc forcément. Bah, pardon. Non. Alors c'est pas du classique, mais ça doit être dans 1900, je pense que c'est les années fin 1900. Ok. Je dirais. Mais honnêtement, malheureusement, j'ai pas l'info. Je peux pas te confirmer. Mais et donc en fait, cette traduction est une mauvaise traduction puisque du coup, bah tout est édulcoré et tout est trafiqué, on va dire, parce qu'en gros, bah, dès que c'était des mots qui dérangeaient, hop, on mettait un autre mot qui était plus sobre, qui collait mieux à l'ambiance avec le gouvernement, tout ça, tout ça. Okay. Et donc Ivre, la version que j'ai eu la chance de voir, c'est parce que la metteuse en scène a rencontré une ancienne étudiante de Myriad, justement, qui parle russe. Oui, et qui vrai. A refait une traduction, du coup, une vraie traduction de la pièce avec, du coup, ces éléments de ce dialecte, on va dire, plus local, j'ai pas le terme, mais bon, du bagou, quoi, vraiment, c'est des mots. De l'argot, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, okay. Oui. Avec de l'argot russe, exactement. J'ai mis 10 minutes à trouver le mot, mais j'ai fini par le trouver. De l'argot russe, c'est tout. Et. De quoi ? Et donc voilà, donc elle a. C'est le week-end en fait, on peut s'y pendre, ouais, c'est vrai. Si on est trois, on s'y pend comme ça sans l'emmener. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Les auditeurs vont imaginer. énormes lèvres. Il passe pas les portes avec ses lèvres. Hein. Voilà, après, voilà, c'est très. Pour rentrer, j'ai dû mettre de profil. Oui. Bref, oui, donc une traduction, une vraie traduction, du coup, vu que c'était de l'argot qui n'avait pas été édulcoré. Ouais. Et donc, en fait, la pièce n'a rien à voir avec le texte que tu peux trouver dans le commerce. C'est-à-dire que le texte que tu vas trouver dans le commerce va être très différent de la pièce censurée, quoi, finalement. Transformée. Ok. Parce que c'est pas censuré, c'est que. Parce que les scènes restent les mêmes, il n'y a pas de scènes coupées, tu vois, ou autre chose, mais c'est juste que les termes n'ont rien à voir, quoi. Les termes n'ont rien à voir, et du coup, la mise en scène incroyable. C'était, Et tu l'as vu en. Oui, c'est en français quand même. Enfin, c'est une traduction française, quoi, que t'as vu, c'est pas en russe, je veux dire. Oui, c'était traduit, vu, bien sûr. C'était traduit. En fait, en gros, la russe a récupéré la version originale, donc russe. Ok. Et l'a traduite en français en gardant ses notions d'argot. Ok, très bien. Là où la vraie version française, donc Ivresse, elle, c'est la traduction de l'œuvre russe qui est déjà édulcorée. Okay. Donc en fait, du coup, tu as ce double édulcorage, du coup, parce que du coup, forcément, déjà que c'est édulcoré en russe, la traduction française fait qu'il y a, y a toujours, quelle que soit la langue, des mots qu'on n'arrive pas bien à traduire, qu'on n'arrive pas à tout ça. Okay. Et donc, très bonne pièce. Ok, c'est la meilleure pièce que j'ai vue. Ouais, moi, je pense que c'est la meilleure pièce que j'ai vue de ma vie. Ça a bouleversé, c'était quoi La scénographie était incroyable. Il y avait un énorme travail de décor. La musique était faite en live. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait un DJ qui s'occupait de mixer tous les morceaux, et il jouait aussi de plusieurs instruments. C'est-à-dire qu'on le voyait sur scène, il y avait un carré avec lui, et les scènes s'enchaînaient, et lui, il était là, il jouait les morceaux. Enfin, c'était impressionnant, vraiment, vraiment impressionnant. Si vous avez l'occasion de voir, alors c'est une pièce qui coûte très cher, donc très difficile à faire tourner, malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de voir cette pièce, donc Ivre, faut y aller. Ok, vraiment, c'est récent, enfin, on peut la voir en ce moment, quoi. C'est La question, c'est est-ce qu'elle tourne en fait. Ouais, voilà, c'est le gros problème, mais on l'a vu l'année dernière, nous. On a pu la voir l'année dernière, et il n'y avait pas beaucoup de dates. Donc, et vu que c'est une pièce qui coûte très cher, qui est très compliquée à monter, parce que tu peux pas, dans un petit théâtre par exemple, c'est pas possible de jouer cette pièce là. Il y a beaucoup du de décors, il y a besoin de beaucoup d'espace. Donc, ce qui indique qu'elle a l'air géniale, quoi. Du coup, oui, c'est ça. Ça a l'air vraiment. C'était incroyable. Bien surveillé. On a eu un bon extrait parce que du coup, tu avais joué une scène. J'avais eu la chance, en tout cas, une scène. Parce que du coup, la metteuse en scène, on avait rencontré la metteuse en scène qui nous avait envoyé le manuscrit, du coup, traduit en version. Donc, sa version du texte. Et on avait pu jouer une scène avec un camarade de la promo. Et c'était génial. Parce que c'était. Ouais, j'ai tellement aimé cette pièce que de pouvoir ne serait-ce que l'effleurer un petit peu en jouant cette scène-là, c'était très très fort. Ouais, on sent que t'as bien touché cette pièce. Ouais, oui. T'écouter, c'est cool. Et toi, Théo, une pièce moi, t'a marqué récemment, justement, j'essaie de réfléchir. Je suis un peu amnésique sur ce que c'est j'ai pas grave, vu récemment. Ça te revient pas, c'est oui, quoi, mais c'est j'ai repensé. De quoi? C'est quoi? C'est qui? Vas-y. Allez, qui ont de l'amour. On peut y aller, oui. La verre. C'est un peu ça. C'est le tag de Franck Dubosc. En tout cas, c'est du Marivaux. Tu me connais bien. Moi, le Marivaudage, c'est tous les jours, c'est quotidien. C'est tout ce que j'aime. Moi, je veux faire du théâtre. Tu sais, les trucs, voilà, jouer Arlequin. Le valet qui dit oui, non, non. Enfin, qui mange des graines de tournesol. Arlequin, Sganarelle. Non, mais par contre, je repensais à une adaptation de. Enfin, Richard III que j'ai vu au lycée, donc il y a presque 10 ans, mais j'ai trouvé la mise en scène. Superbe, puis enfin, voilà, le personnage de Richard III, c'est toujours fort, c'est toujours. Je connais pas du tout. De Shakespeare, c'est historique, même s'il est un peu fictionné. En gros, Richard III, il a fait un complot familial monumental pour accéder au trône. Et c'est l'époque de la guerre qui oppose deux familles très importantes, c'est les York et les Lancaster, je crois. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est un peu après la guerre de Cent Ans, il me semble. Enfin voilà, mais du coup le contexte, et puis c'était modernisé mais pas trop, et vraiment le bon équilibre. Ah mais elle t'a marqué en plus, parce que ça fait 10 ans si tu dis que tu l'as vu. Oui, c'était avec le lycée, à l'époque on avait pas mal de théâtre. C'est cool, c'est cool, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, là récemment il y a eu une bonne chose, mais c'est vrai que je... En tout cas, moi la dernière que j'ai vue c'était... C'était Othello. Othello. Othello, ouais. OTNP. Ouais. Ni fait ni à faire. Next. Wow. Je rejoins Théo, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le Othello qui a été monté au TNP. J'ai trouvé ça pas. Après, c'est toujours. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est génial d'être au TNP. Il y a toujours. Ouais. C'est spectaculaire, il y a plein de moyens. Et puis la même chose, ivre, il y a plein de gens qui ne vont pas aimer. Voilà, c'est vraiment. Chacun se fait sa propre opinion, c'est aussi ça qui est bien au théâtre. Chacun ses goûts. Tu auras beau voir quelque chose, tu vas toi-même. ressentir des choses. Non, non, t'inquiète. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien avec le théâtre, justement, ce que je dis, c'est que vu que c'est de l'art vivant et que c'est ce que toi tu vas ressentir le jour J, c'est aussi ça qui fait qu'en fait, c'est. En étant spectateur d'une pièce de théâtre, t'es aussi acteur en fait, parce que c'est toi qui choisis de, d'accepter ou non l'histoire qu'on te raconte, de rentrer dans le jeu ou non de l'histoire qu'on te raconte. Et c'est ça qui fait que tu passes un bon ou un mauvais moment. Il y a aussi cette part du public. Si le public il vient avec les bras croisés et qu'il a déjà pas envie de rigoler et qu'il va voir une comédie, disons qu'il se met pas lui-même dans les meilleures conditions pour passer un bon moment. Ouais, ouais. Alors je ne jette pas la pierre, je ne jette pas la pierre sur le public, hein, loin de là. Loin de là, loin de là, mais c'est ça qui est intéressant avec le théâtre aussi par rapport au cinéma. C'est ouais. Que t'as vraiment cet aller-retour entre le plateau et le. Il y a une connexion avec le public, public ouais, que t'as sûr. Pas au cinéma. Mm. Ouais, sauf les rares avant-premières où t'as 2-3 comédiens qui sont présents avec le metteur oui, en scène. Oui, encore, ça influe pas, ça influe pas dans le film. Ça influe pas, mais. Oui, c'est un produit fini donc. Ça influe sur les autres spectateurs, mais ça influe pas dans pour les films quoi. Ouais. Carrément. Bah alors qu'est-ce que tu fais toi je peux oh, prendre je le remontise là. Petit au rocher. Bien sûr. Mais j'en profite, Jules, pour te déranger. Petite ASMR. Dis-moi. Ton rapport au théâtre, toi, c'est quoi, Jules? On se demande. Moi, tiens, on en parlait nous l'autre jour. Oui, bon, le fer et rose, c'est pour plus tard. Sur le côté. Ce sera la récompense. Moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais en première, donc pas du tout lié au lycée, mais juste parce que je voulais essayer. Et bah, moi, pour le coup, mon entrée en matière était complètement, on va dire, standard. Quoi. J'étais en groupe, etc., en présentiel, etc. Mais je pense que j'ai joué des trucs un petit peu trop classiques. Nous, on avait fait du Tchekhov et tout ça. Ok. Et ça, c'est pas trop ce qui m'avait. Ça m'avait pas trop plu. Du coup, alors, j'ai quand même fait toute l'année et tout. J'ai découvert quand même plein de trucs, faut pas déconner. Ça m'a. J'ai quand même pas venu pour faut rien. Faut pas déconner. Là, je prends le micro dans ma main, là, faut quand même pas déconner. Je me suis fait plaisir. Non, non, mais j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, faire la pièce, etc. Je m'étais pris un rôle bien verbeux quand même et tout. Je voulais quand même aller jusqu'au bout. Et j'ai pas poursuivi. Comment dire. L'aventure. Ouais. J'ai pas poursuivi en fait avec cette classe là quoi. Okay. Et bah peu après du coup j'ai fait une école de ciné donc j'ai continué à tourner avec vous mais ouais non je pense que c'était trop classique cette fois là. Après est-ce que je suis allé voir des pièces? Bah oui si pour le français pour le. Oh, bah oui. L'illumination. L'illumination. Je suis allé voir. Je suis allé voir. Non mais alors, je suis allé voir Le Triomphe de l'amour justement au TNP j'avais trouvé ça vraiment pas mal, j'étais allé tout seul et c'est marrant parce que quelques années plus tard j'ai Illumination pareil, quand j'étais en stage chez Nova on a reçu un des acteurs que j'ai reconnu là-bas, ça l'a trop touché. Bah oui. T'as putain un gars il y a 5 ans ok. Tu lui as parlé? Ouais. je lui ai dit, t'es trop content. C'est une belle anecdote. Et t'es venu présenter une autre pièce. Surtout plusieurs années après et qu'ils sentent que ça t'a touché, que ça t'a marqué. Un gamin de. C'est l'objectif. De lycée, hein, c'était pas en mode de jouer. C'était pas ma passion non plus et voilà. Ouais. Donc maintenant, à part faire le con sur Instagram, je fais pas beaucoup de théâtre, mais. Mais tu fais très bien le con sur Instagram. C'est déjà pas mal, ça, on peut le dire. C'est déjà pas mal. Et tu parlais tout à l'heure d'être plus à l'aise devant des gens que devant une caméra. Justement, c'est l'inverse. Planqué derrière ma caméra et j'ai pas assumé un bide en direct, tu vois. Si je fais je fais un truc, tu vois. Oui, c'est une peur très fréquente. Non, mais je comprends. Mais et je peux gérer les imprévus. C'est très singulier et subjectif. C'est vraiment un truc pas particulier, paradoxal aussi, quoi. Pourquoi on arrive à faire ça, soit l'un, soit l'autre. Pourquoi il y a des gens qui sont aussi très à l'aise, tu vois, dans la vie pas du tout sur scène ou l'inverse, c'est en particulier de faire ça articulé. Mais du coup, là, il y aurait quand même un souhait, toujours, de renouer un petit souhait. Regarde-le, là. Non, mais de transgresser ça un petit peu ou peut-être de rester. De revenir vers le théâtre, jouer devant des gens. Oui. Ça pourrait m'amuser, c'est pas priorité numéro une, mais si. En fait, j'irais pas le chercher de moi-même, je pense. Après, si une occasion se présente, pourquoi pas, oui. Bah, on va dans la troupe de Fabien, okay. Là. Sa petite troupe d'impro. J'ai dire c'est trop loin, ouais, c'est vers mon bureau. Ouais, mais Fabien, il a une troupe d'impro, ouais. Mais il est prof d'ailleurs là-bas. En fait, Et oui, maintenant, il est prof. Il gère le truc maintenant. Il gère le truc à Saint-Priest, ouais. Et c'est mon frère. Ouais, hein, oui, mais tu, okay, tu vois, il faut que, là, tu vois, c'est, il faut que ça vienne de moi, il faut que j'y aille et machin. D'impro avec lui. Okay, ouais, okay. Il avait un podcast d'impro qui était cool, ouais. Et enfin, qu'il reprenne. Ouais, il aimerait bien le reprendre, mais oui, bon, là, il s'installe petit à petit à Saint-Priest et tout. Donc, puis s'il fait de l'impro, enfin, je veux dire, c'est quand même bien. Ouais, mais il kiffe à faire ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais là, il en fait en physique, je veux dire, s'il donne des cours, etc., ça lui prend déjà. Ça lui prend pas mal de temps. Rentabiliser aussi. Et on l'embrasse tout à l'heure parce qu'il a fait un truc pour ce podcast. Aussi, donc t'as la voix un peu tremblante en disant et on l'embrassera tout à l'heure parce que quand même on pense bien fort à lui, on lui fera beaucoup de béco parce que le gros en tout cas oui il a une troupe et voilà c'est... mais je crois que t'en as déjà, bah, t'en déjà cool. parlé de ça oui bah alors, pas pour la même chose mais oui. Mais là voilà il faudrait que ça vienne de moi que je me motive du coup chaque semaine ce serait un investissement de temps à avoir et mon terrain du coup serait plus enfin moi tu sais je préfère truquer ce que je joue et ce que je tourne tu vois. Mais des effets, des proutes. Ça peut être des remparts aussi. Qu'est-ce que tu veux dire pour l'instant. Allez, psychanalyse. Vas-y. Non, je suis tout ouvert. C'est très bien, mais ça peut aussi être des étapes, des protections, de briter les choses, aller un peu à l'extrême, de se cacher derrière des. Certains aspects. Oui. Des effets c'est audio. Juste pour dire moi, que voilà, je pense que. Ça me permet de faire des trucs plus absurdes aussi, tu vois, une explosion. Oui, non, mais c'est toi aussi, c'est très bien. Mais je pense que voilà, tu es capable aussi de. Si t'as envie de. Eh ben, merci beaucoup. D'être toi. On serre la pogne. Sur scène, tout simplement. Oh, ouais, on serre la pogne. Non, mais ils ont pas arrêté de se tenir la main, pourquoi pas moi. Putain, ça fait longtemps d'ailleurs. C'est ma main là. On fait un cercle d'énergie. Un autre père. Ça fait bizarre. On sent une énergie. De Josave et Maria. J'ai aussi une douce énergie. Non, c'est moi, je suis un infarctus. Ah, oh putain. Palpe. Je crois qu'on a fait un peu le tour là, mais on va terminer quand même pour sur ce thème là pour en faisant une petite activité. Allons-y. Soyons fous. J'ai demandé à jouons un jeu. J'ai demandé à ChatGPT que vous connaissez. On connaît très bien, on l'a bien nommé. Il s'avère que c'est mon père. Donc cette fameuse IA sur Internet à qui on peut tout demander. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait lui demander d'écrire une scénette de théâtre? Et c'est le cas. On peut, je vous le dis. Ça aussi. Okay. Voilà. Et c'est là où je voulais remercier Fabien, c'est que c'est lui qui a fait un peu la base. Il en a écrit deux, qu'on fera peut-être pas aujourd'hui. On verra si on a le temps. On va faire déjà une. Mais on va en faire une, voilà. On va jouer une que j'ai écrite. Enfin, que j'ai demandé à. Je serais surpris du résultat. Et on remercie Fabien, du coup. Merci quand même Fabien, parce qu'en fait, la base, c'était quand même de lui. Enfin, ChatGPT est très bien, mais il faut quand même le connaître. Pour lui demander les bons trucs. Faut le guider notamment... un petit peu. C'est plus intéressant aussi, quoi, d'avoir à le guider quand même. Mais notamment, j'ai copié les je sais pas comment on dit, les prompts de Fabien, enfin le truc qu'il demande à la base. Les indications. Ouais. Et les... C'était, en fait, tu dis à ChatGPT, d'abord, tu es un auteur à succès de théâtre depuis 10 ans, faut lui faire croire qu'il donc est... Donc oui, tu lui mets dans une ambiance. Voilà, tu es très bon. C'est un comédien, en fait. Parce qu'en fait, si tu lui dis pas ça, il est ChatGPT. C'est Daniel Day-Lewis, il faut qu'il se mette dans le. Donc voilà, tu commences par ça, et après là, donc là, je lui ai demandé de m'écrire une scène de vaudeville. Et après, il m'a demandé, enfin, je lui ai dit, pose-moi des questions pour être plus précis de ce que, enfin, pour que je t'oriente. Donc là, il m'a demandé d'abord le lieu. Donc je lui ai dit une maison où les amis ont l'habitude de se retrouver. C'est une pièce pour, enfin c'est une scène pour 4 personnes, hein, voilà. Mais attends, on est 4 en plus. Mais c'est incroyable, je pense. Ouais. Votre vie, c'est ce qu'on préfère en plus. Ensuite, il m'a demandé un peu le ton de la scène, donc je lui ai dit cette scène doit être légère et divertissante avec un léger ton cynique, parce qu'il me demandait si ça devait être cynique et tout. Je lui ai dit vas-y, parle là-dedans. Cynique, on verra si ça l'est. Hein. Soyons fous. Ouais. Et après, il m'a demandé les thèmes, donc je lui ai dit. Ça devra aborder le thème de la politique, de la passion de l'équitation, vous verrez, car un des personnages. Et vous allez voir, vous allez pas être déçu. Que tu sois cynique et à cheval. L'adultère que subit un des autres personnages, parce que c'est un vaudeville, donc évidemment, ça tourne autour de ça. Est-ce que vous pouvez décrire le vaudeville en quelques secondes? Oh là, Christophe Verricel. Ça te va comme. Pourquoi? C'est le plus court qu'on puisse faire. C'est un de nos deux profs principaux. Et non, mais il a une facilité. Pour oui, il est très bon là-dedans. Il est très bon. Ouais. Non, mais décrivez un peu ce que c'est le vaudeville. En gros, c'est quoi comme. Le vaudeville, alors c'est un mouvement théâtral qui apparaît à la fin du 19e siècle. Oh, ouais. Début du 20e. Non, mais là, je t'ai fiché un petit peu le thème. Bah oui, mais filles, bon, c'est tatoué, qu'est-ce que j'y peux. C'est là. Non, mais c'est un peu léger. C'est un style qui est. Voilà, en fait, je crois qu'à l'époque, ça se voulait un peu. J'avoue, j'ai pas l'info. J'ai lu un truc, c'est ça vient de là, le fameux ciel mon mari. Et à chaque fois, il y a une histoire de un adultère. C'est un thème qui revient souvent. En fait, c'est voilà. Ça. Moi, c'est un thème qui revient souvent. Ça, ouais, le triangle amoureux, c'est un thème qui revient souvent dans votre ville avec la jalousie. Et aujourd'hui, ça paraît ringard, mais à l'époque, c'était rock'n'roll, justement. Oui, enfin, voilà. C'était très moderne, ce truc de oh là là là. Enfin, tu vois, de pousser les curseurs. Et oui, en plus, ce dont il traitait, c'était beaucoup moins puritain. Il y avait souvent la. Putain, l'horreur. Non, mais à l'époque, c'était ça. Ah bah, à l'époque, la femme, elle trompe. Oh là là. On sait que c'était souvent le personnage féminin qui était l'élément perturbateur. Ouais, c'est ça. Dans les bon, là, le problème, c'est qu'on a quatre hommes, du coup, dans la scène. Pardon. Non, je place une reco. Il faut vraiment voir le premier spectacle d'Arnaud de sa mère. Je crois que c'est son premier. Oui. Où il joue. Où il y a un passage génial. Où, voilà, il, je l'ai vu. Comment il s'appelle ce spectacle? Je sais plus du tout, mais oui, il passe une demi-heure à jouer, je sais pas, 15 personnages de votre ville, et il prend vraiment le temps, et il y a Rita la Rombie avec toutes les prostituées qui arrivent derrière, il prend vachement son temps, et puis il est là avec son texte, et puis il court pour faire tous les personnages. Il y a un mec qui cherche son pantalon derrière avec la voix de Bourville. Ah bah non, pantalon. C'est fou, oui, parce qu'en fait, Mais d'ailleurs, un de mes premiers rapports au théâtre, c'était ça aussi, hein, Arnaud de sa mère, j'adore, j'ai vu beaucoup de ses spectacles. Il est très bon, il est très bon. En fait, c'est qu'au début, il résume tous les personnages, donc il fait bon, alors il y a machin, il y a Rita la Rombie, alors il la joue, hein, il y a Rita la Rombie, après machin, et en fait, après il joue la scène, et vraiment tu les vois, il les enchaîne à une vitesse folle, c'est un vrai talent, Arnaud de sa mère, quand même, on peut le dire. Oui, très très fort, très drôle. Grosse inspiration aussi. Donc là on est quatre hommes, donc du coup, bon, je lui ai demandé qu'il y ait une histoire d'adultère pour rester un peu dans le thème, mais vous verrez que ça passe assez vite. Et à la fin, j'ai dit le personnage principal doit faire un monologue qui résumera l'intrigue de la scène en rappelant qu'il est passionné d'équitation et de jazz manouche. Moi, je voulais rajouter du jazz manouche, j'aime bien. Et il se lamentera sur son sort avec un ton dramatique. Voilà. Pour terminer la scène. Les larmes vont perler. Là, on va commencer la lecture. Théo a posé ses lunettes sur le bout de son nez pour la lecture. Absolument. Est-ce que vous êtes dedans? On va essayer de la jouer. C'est pour rigoler. Sachant donc c'est écrit par l'IA. Les prénoms ont été inventés par l'IA. Bien sûr. On a donc Philippe. Philippe, c'est toi, Théo? Tout à fait, oui. Tu es Philippe. Ça tombe très bien parce que tous les prénoms choisis par l'IA sont un peu nos prénoms rêvés. Hein. C'est vrai que vous voulez taper Philippe. Ah, moi, Philippe, c'est tombé sur le j'ai fait chier mes parents jusqu'à 22, 38 ans. C'est ton deuxième prénom d'ailleurs. Tu as réussi à l'intégrer sur la carte. Théo Philippe. Jean-Pierre sera joué par toi. Pareil, nom de rêve aussi. Prénom rêvé. JP. On est amis. JP, après, les gens disent Jean-Philippe. Et vu qu'il y a déjà Philippe, faut faire gaffe. C'est on va laisser sur Jean-Pierre, c'est j'avoue, moderne j'avoue. En plus, donc c'est. Ou Jean-Philippe, c'est Fifi. C'est vrai. Ça peut être Fifi. Jules, toi, tu joues Michel. Je serais Michel, enchanté. Voilà, Michel. Et moi, je jouerais Nicolas. Alors, je sais plus, je crois qu'il a même pas vraiment déterminé à qui était la maison. Il a eu du mal à s'orienter sur qui est qui dans la scène. Non, c'est une coopérative, c'est compliqué. La maison rentre dans Philippe. C'est un Pôle emploi, en fait. Bah, en fait, c'est vrai que c'était bien. La maison de points. Oh, je rentre du boulot. Oh là. Pour l'anecdote, au début, il m'intégrait la femme d'un des persos qui rentrait dans la scène, mais du coup ça n'avait aucun sens parce qu'il la trouvait, il trouvait l'homme avec une femme. Et genre, j'avais attends, mais le perso, il y avait une femme avec lui depuis le début alors qu'il en parle pas. Non, ça va pas, j'ai dit de réécrire cette partie. Donc, ouais, on peut affiner, j'ai affiné vite fait. Mais vous verrez, j'ai laissé quand même un peu des trucs qui, des fois, ont aucun sens, mais c'est quand même assez drôle. Moi, donc, je joue donc, Nicolas et Lady Dascali. Au moins Lady Dascali. Lady Dascali. Du coup, juste pour situer les scènes, même si vous verrez que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Lady Dascali. On verra si au montage on rajoute des sons. Ça, c'est si Jules il est chaud. Oui, je mettrai des proutes et je sais pas. Non. Bien, le premier c'est Vincent, vous allez des voir. Des pierres tombales qui apparaissent. Vous êtes prêts? Il y a un lancer ouais, des dés. On est prêts, allez hop. Allez, on se met dans les perceurs. Ok, c'est parti. Moi j'ai mes binocs. La scène se déroule dans le salon d'une maison où quatre amis se retrouvent pour leur traditionnelle soirée de jeux de société. les quatre amis sont assis autour d'une table en train de jouer à un jeu de société. Mais ça l'a pété, en fait, j'avais pas capté. J'avais pas bien compris. Allez, c'est à moi. Si vous deviez choisir entre votre passion pour l'équitation et votre conjoint, que choisiriez-vous ? Quoi ? Mais c'est quoi cette question ? Bah, c'est le jeu ! Allez, réponds ! Je sais pas, j'aime beaucoup ma femme, mais l'équitation, c'est ma passion depuis toujours. C'est sûr que tu peux pas divorcer d'un cheval. Toi, tu ne comprends rien à l'amour des animaux. Bon, on change de sujet ? Moi, j'ai une autre question. Si vous deviez choisir entre votre travail et votre passion pour le jazz manouche, que choisiriez-vous ? Toi, tu risques pas de perdre ton travail avec une telle question. Oh, c'est pas drôle, Philippe. Le jazz manouche, c'est ma vie. Ah ouais ? Et ta femme, alors ? Ma femme, elle comprend rien à la musique. Elle préfère écouter du Céline Dion. Oh, la pauvre. Acte 2. Les quatre amis sont assis dans le salon, discutant de politique. Franchement, moi, je change de bord politique tous les 4 matins. C'est bien plus drôle. Mais tu sais plus où donner de la tête, hein ? Exactement. Et puis, ça me permet de voir les choses sous différents angles. Moi, je préfère rester fidèle à mes convictions. Et sinon, comment va le professeur d'équitation de ta fille, là ? Tu lui as présenté ton saxo manouche ? Ah, lui, c'est un vrai génie. Il a une technique incroyable. C'est un peu le Django Reinhardt de l'équitation. Attends, tu compares un professeur d'équitation à un joueur de jazz manouche ? Bah oui, pourquoi pas ? C'est un vrai artiste, il a du rythme et de la finesse. Acte 2. Acte 3. On avance là. Acte 3. Jean-Pierre, seul dans le salon, découvre un long SMS sur son téléphone. Quoi ? Oh mon dieu. Non, c'est impossible. Les trois amis entrent dans le salon. Ça va ? T'as l'air tendu ? Je viens de découvrir un SMS sur mon téléphone. Ma femme me trompe avec le professeur d'équitation de notre fille depuis des années. Désolé, Jean-Pierre. Faire une pause là-dessus. Je pense que les auditeurs ont besoin de reprendre leur souffle. C'est coupé. Excusez-nous, mais. Non, on parlait justement de spectacle vivant. Pardon, alors. Depuis des années. Désolé, Jean-Pierre. Et ça pourrait être pire, tu pourrais être de droite. Enfin, un peu François Hollande, là. Et ça pourrait être pire. Je suis pas encore sur mon Nicolas. Encore sur mon perso, je le travaille encore. Hein. Pardon. Mes amis, c'est une bonne piste, hein, François. Je suis dans le pétrin le plus total. Ah, Nicolas, en plus. Ma femme me quitte pour un joueur de saxo manouche qui se prend pour un génie de l'équitation. Oh, ça promet d'être un beau spectacle. Et dire qu'on aurait pu s'ennuyer ce soir. Et moi qui croyais que ma vie était compliquée. Bon, trêve de plaisanterie. Je suis dans la merde. Mais au moins, on peut dire qu'on est bien dans un vaudeville. C'est marqué, les amis éclatent de rire. Et la tension retombe. Tout le monde mesure sa tension. 12. 12-7. Voilà. Bon, je vais devoir trouver une solution à cette histoire. Et je vais commencer par appeler un avocat. Bon. Acte 4. Les trois amis restants se regardent décontenancés. Bon, ben, je crois que la soirée est terminée. C'est vraiment triste tout ça. Eh, mais on peut toujours finir la partie, non ? Ah, ça, c'est une bonne idée. Les trois amis reprennent leur jeu de société comme si de rien n'était. Ah tiens, carré d'as. Acte 5. Le personnage principal, Philippe, s'adresse au public en faisant un monologue. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine notre petite soirée entre amis. Entre l'équitation, le jazz manouche, la politique et l'adultère, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Et pourtant, malgré toutes ces péripéties, nous avons aussi à garder notre calme et à terminer notre partie de jeu de société. Comme quoi, même dans les moments les plus difficiles, il faut savoir garder son sens de l'humour. Mais moi, je dois vous avouer quelque chose. Cette soirée m'a profondément affecté. Car vous savez quoi ? Je suis passionné d'équitation et de jazz manouche, moi aussi. Et je n'ai ni femme, ni travail pour me retenir. Ah, la vie est vraiment injuste. Parfois. Bravo. Fin de la pièce. Bravo. C'est un Ferrero de gagner. Ah bah oui, c'est bon, allez, c'est Ferrero time. Ah non, mais... Les péripéties m'ont eu par surprise. Péripéties. Ah, je suis mort. Il fait chaud, là, dans cette pièce. Ouais. Ah oui, bah, on est tellement que... Je suis en route, j'ai essayé de faire très chaud. J'hésite à ouvrir la fenêtre, mais... Moi, j'aime mettre un Ferrero sous chaque... Oh là là, on va avoir le son du tram si j'ouvre. Oh, c'était super, hein. En vrai, ça se tient. C'était un régal. Est-ce que vous voulez qu'on en refasse une autre là? Avec plaisir. Ouais, ça, c'est la salle d'attente. On peut faire la salle d'attente, elle est court. Je crois que la salle d'attente a encore moins de sens. Ah oui, celle-là, elle a vraiment peu de sens. Bon, alors, c'est génial. Moi, je veux bien faire patient 4 et la secrétaire aussi. Comme ça, je prendrai une voix suave. Vincent, quand tu fais des lectures, il est très bon pour les pour les voix de femmes. Ah bah, j'ai voilà, hâte. Donc, ça et bah, fais patient 2 et je ferai patient 3, du coup. C'est parti. Let's go. Vous voulez que je le dise le début? Oui, vas-y. Pour mettre un peu le contexte. Jules lit un magazine. Ensuite, c'est moi. Théo joue sur son téléphone portable. Je discute avec Vincent. Yes. C'est parti. Regardez, j'ai trouvé une blague sympa sur les retraites. Ah bon? Bah allez, dites-la nous. Avec la réforme des retraites, on va devoir travailler jusqu'à 64 ans. J'espère que d'ici là, je serai encore en vie. Bah, c'est pas mal ça. Ouais, mais moi j'aimerais bien prendre ma retraite à 50 ans. Faut toujours rêver. Dites, vous avez vu le film Mario Bros? Oui, il paraît qu'il est excellent. Mais qu'est-ce que c'est, Mario Bros? C'est un nouveau médicament? Mais non, c'est un film, c'est une adaptation du jeu vidéo. Ah oui, j'ai vu une bande-annonce, ça a l'air sympa. Soudain, la porte s'ouvre et la secrétaire entre. Bonjour, qui est le prochain? C'est moi. Il se lève et entre dans le cabinet du docteur. Pendant ce temps, les trois autres patients continuent leur conversation. Regardez ça, j'ai une autre blague sur les seniors. Oh bah allez, on veut l'entendre. On tourne la page. Les seniors, c'est comme les biscuits. Plus ils sont vieux, plus ils sont durs à avaler. Oh, c'est pas sympa pour les seniors, ça. Soudain, patient 1 sort du cabinet, l'air choqué. Ça, c'était rapide. Tout va bien? Vous allez jamais deviner ce que le médecin m'a dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a conseillé de ne plus regarder cette série sur le Dalai Lama. Là, il dit que c'est malsain. Le Dalai Lama, c'est plutôt inhabituel comme conseil médical. Peut-être que votre médecin est un peu excentrique. Mmh. Ou peut-être qu'il a raison. D'après lui, le Dalai Lama dans cette série est un personnage fictif et est représenté comme un pervers qui agresse les enfants. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est une parodie bien sûr, mais certains ont pris ça très au sérieux. Pff, qu'est-ce qu'on va apprendre la prochaine fois? Que le pape est un gangster dans une série? Excusez-moi parce que je regardais le niveau. Bien sûr que non. Le vrai Dalai Lama est un leader spirituel respecté dans le monde entier et ne ferait jamais quelque chose comme ça. Les patients rient de bon cœur et la scène se termine sur cette note légère et humoristique. Fin de la scène. En tout cas, c'est hyper actuel. Hein. Le film Mario Bros, c'est incroyable. Dalai Lama aussi, je peux. Ah, oui. Ah bon? Bah, il a fait un truc chelou avec un. Ah oui, oui, il a embrassé. Non, il a sucé la langue. Non, il l'a demandé, je crois, au gosse de sucer sa langue. Ouais. Non, puis ça dure et tout. C'est génial. Il perd un peu la tête. Bref, bah voilà. Oh là là, le délire. Et ben, c'était. Vous voulez. Non, on s'arrête là. Merci les machines. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Par contre, moi, j'aimerais bien le refaire à l'occasion. On le drivera peut-être plus. Mais on le refait à l'occasion. On va le mettre en scène. Le vaudeville, on le met en scène. Je vous laisse les. On fera en sorte d'avoir les vrais effets sonores, pas à la bouche cette fois. Voilà. Pas des dents qui grincent là. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci, grave, les gars. C'était très bien. Pour terminer un peu doucement l'émission, Jules, t'avais un jeu. Oui, c'est le truc qu'on fait pour se mettre en jambe d'habitude, mais là, c'est pour finir. Bah ouais, mais comme là, ça se dégourdir bien le début. Sur le théâtre et tout, là ça n'a rien à voir avec le théâtre puisque non. C'est le porno. Voilà, c'est un peu du théâtre du jeu, quelque part. On n'en a pas parlé, on a parlé ciné, on a parlé. On n'a pas parlé de la réalité, on est porno, c'est un sacré métier moins, aussi. Parce qu'on a parlé même du doublage, donc on a parlé de tous les styles de comédien, mais pas le comédien porno. Ah, oui. Il fallait bien qu'on parle de cul. Avec ces deux-là, je t'avais briefé. Entre couillasses. Ce jeu est le jeu des pornos mal traduits en français. En baladant sur le net. Pour le travail. C'est pour préparer cette émission. Oui, très pro, quoi. Des heures de travail. Et, oui, une boîte de mouchoirs à côté de l'ordi. Je suis tombé sur des pages avec des titres de vidéos porno traduites. Très très mal, et d'où m'est venue l'idée de vous faire un vrai ou faux. Donc il y en a certains qui sont vrais, d'autres que j'ai inventés. Okay. Vous allez devoir deviner si je les ai faits ou pas. Et après tu nous rejoues la scène? Non. Oh là là. Comme par hasard j'ai du champagne. Du touch my tralala. Oui, my ding dong. Alors premier titre de vidéo: le mari ne peut pas donner la bite à sa femme, alors elle la cherche ailleurs. Est-ce un vrai titre ou un faux titre. Non mais regardez-moi dans les yeux par contre. Non, ce que tu viens de dire, je peux pas. Est-ce que tu peux répéter? Bon, bien sûr. Dans les yeux, mais regarde-moi. Le mari ne peut pas donner la bite à sa femme, alors elle la cherche ailleurs. Je suis sûr que c'est vrai. Oui, moi je pense que c'est vrai. Il ne peut pas donner la bite. C'est vrai, bravo, bravo à tous. Alors, est-ce que tu peux nous décrire le scénario? Tu l'as pas regardé pour le. Je ne peux pas donner le sexe alors. C'est assez clair. Je pense que. Moi je me demande pourquoi il ne peut pas donner la bite. En fait, c'est un vaudeville, c'est une histoire d'adultère. Il est peut-être loin. Ça nous aguiche quoi. Je crois que c'est parce qu'elle est attachée à lui, peut-être. Ah, d'accord. Prochaine proposition. Vrai ou faux, j'ai baisé par mégarde la sœur de ma femme et j'ai joué à l'intérieur. Oh la tuile, c'est pas de chance. Tu peux comprendre, chérie. Dis-le. Je te dis que j'ai glissé. Bah oui. J'ai baisé par mégarde la sœur de ma femme et j'ai joué à l'intérieur en plus. Mais en plus, c'est moi qui l'ai rajouté. Je dirais faux. C'est faux pour toi. Je pense que tu as complètement inventé. En fait, vu que tu viens de dire, je l'ai rajouté. Je pense que c'est faux. Le en plus que j'ai dit à la fin, j'ai rajouté. Je pense que c'est faux du coup. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'était très psychologique. Mitigé. Vous êtes mentaliste tous là. je suis l'opinion. Ah ouais, ouais. Et pourtant c'était un vrai titre. Ah oui, par mégarde. Il a joué par mégarde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. En tout cas, on l'excuse. Évidemment. En même temps, c'est une sœur jumelle, donc bon, il a confondu sa femme. Oh putain. Ça se trouve, c'est ça le vrai scénario en plus. Sans transition, je viens pour enculer la femme de mon pote. Vrai ou faux? Je viens pour enculer la femme. Bah bon, ça c'est vrai. Ça. Christophe Colomb. Oh, ça doit exister. Caravelle quand même, hein. À mon avis, ça existe. Ça. Conquistador, oui, c'est un possible. Classico. Ça. Mais là, il y en a bien inventé un quand même, non? Mais ça se trouve, il en a inventé zéro, c'est ça qui est pire. On le saura à la fin. Il est malade, ce mec. Bon, allez, on part sur vrai. C'est-à-dire qu'il a eu un gros travail de recherche. Oh, il en est capable, hein. Ça me fait pas de soucis. Pas de PowerCast depuis décembre, j'ai tant qu'à prendre. J'ai envie que ça soit le titre, mais en même temps, je me dis, c'est horrible de mettre ça pour le retour. Vas-y, pardon. On va dire que c'est vrai, je joins l'opinion aussi. C'est un vrai pour vous? Oui, c'est un vrai. Yes. Et on a envie de le voir, hein. Ah oui, on a envie de voir cette arrivée. Salope française ne porte pas son masque. Attends. Ça c'était tourné par le Covid. C'était tourné par le Covid, ça. Ne porte pas son masque. Ouais, j'aime bien le français. Oui. Genre, salope française. T'as besoin de savoir qu'elle vient. C'était la page 8 des résultats. Ouais, tout pensé, les gars. Jack, c'est une déclaration de Jean Castex. C'est différent, c'est le réel. Voilà, c'est un des deux. Ça y est, on s'esclaffe et ça sature. Alors attendez, moi je baisse un peu les micros parce qu'on s'esclaffe un peu trop là. C'est vous les comédiens. Dès qu'on parle de bite et de cul, ça rigole. Ça y va, quand j'ai pas eu. On va dire que moi j'ai envie de dire que c'est vrai parce que c'est beaucoup trop improbable. C'est vrai que c'est drôle. Après, c'est titre de vidéo. Ça ferait 4 vrais d'affilée quand même. C'est titre de vidéo, t'as la vignette qui peut bouger si tu mets le curseur dessus. Comme YouTube. Et ensuite, pareil, on m'a dit. Oui, oui, Dans les bouquins, j'ai vu ça dans un bouquin. C'est pour un copain. C'est pour un copain. Tu peux expliquer plus, c'est pour un copain. Ouais. Alors, lui, il sait pas trop. Moi je dis que c'est faux. Ok. On a un vrai. Ouais, vrai toujours. Vrai? Ouais, en vrai, j'ai envie de dire, c'est le français me flingue en vrai. C'était faux, c'est moi qui l'ai inventé. Let's go, Clem, je te connais, mec. Putain, alors, il y a beaucoup combien d'années de PowerCast, ouais. J'aurais aimé que ce soit vraiment le française me faisait bien rire. 5 ans déjà. Ah oui, ça fait 5 ans, on a une année qu'on n'a pas fait. Vous n'avez pas pris une ride. On n'a pas fait. Une année, ouais, on se prend une petite année sabbatique. On a commencé en mars ou avril 2019. Oui, c'était 2019. Parce que. Non, on a fait tous les ans. On a arrêté. Même confinement, on n'a pas arrêté. C'est vrai. Le premier qu'on a fait avec Léo, c'était le deuxième. C'est en mai, je pense, ou un truc comme ça. Non, c'était en mars. Je vais regarder la date du premier. C'était en mars déjà? Alors que c'est le deuxième? Ouais. Faites une petite musique d'attente pendant que je cherche. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Premier épisode où il y avait Théo, d'ailleurs. Ah, il y a eu de la compo, hein. Ouais, ça composait. C'est pour ça que ça me le rappelle. Ah ouais, putain, faut que j'en réécoute. Ouais, il était vraiment exceptionnel. Babylone. De mars 2019, en effet, ça fait 4 ans. Depuis peu, là. T'as oublié notre anniversaire. Oh non, je sais pas les jonquilles cette année. Vrai ou faux? Chaud, blond, souffle, copain à l'intérieur. Je vous laisse faire la traduction. Chaud, blond, souffle, copain à l'intérieur. À l'extérieur, pardon, à l'extérieur. Oui. Ah oui, bah. Genre, toi, genre le mec s'est même pas fait chier à faire le titre. Il a pris des mots lambda, il a dit bon. Non, mais c'est le mec, quand je lui ai traduit. Bah oui, mais là pour le coup, moi c'est un vrai, ça. C'est vraiment juste mal traduit. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bravo. C'est vrai, oui, oui. C'est ChatGPT qui a fait la traduction. C'est hot, traduire ça. Hot blonde blows boyfriends outside. Ouais, voilà. Tu vois, la prochaine fois, on a que des répliques comme ça de titres mal traduits. Ah putain, on pourrait lui demander de nous écrire un mauvais porno et on doit le jouer jusqu'à ce que ça baise. Oui, c'est possible que. Il n'y a plus la vidéo alors. Non, on essaiera la prochaine fois, on vous réinvitera. Ouais. Et si c'est pas trop gênant, si c'est juste marrant et pas trop gênant, on c'est un peu qui tout double, je pense, de faire ça. Shakespeare remanié. Vrai ou faux, camping en plein air et baise en plein air avec 3 poussins. Quoi? 3 poussins? Ah! Ok. Pas le poussin, pas un poussin. En anglais, non, oui, on parle pas de nugget. La proposition du samedi matin. Non, mais surtout la camping base. Non, mais il est même pas 10h. Il y a 3 poussins. Mais en plus, c'est propice. Mais si, chérie. Non, c'est faux, c'est faux. Non, bah, je pense j'ai envie de dire. Franchement, il aurait mal traduit. Il aurait traduit en poussin. C'est vrai que je me demandais, ouais. Bah, ça peut être vraiment improbable. Même Google Trad, il fait mieux, non? Oui, bah oui, oui. Non, ouais, c'est faux. Allez, non, c'est faux. Ouais, Google c'est Trad fait mieux. C'est faux pour c'est moi faux. Aussi. Et toi, c'est fou qu'il se soit pas dit, je vais passer par Google Trad. déjà, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que les poussins ont rien à foutre là quand même. Oui, non, c'est faux. C'est faux pour tout le monde. Ouais. Et bah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non. Oui, il avait dit, c'est vrai. Tu l'as dit, hein. Il est dans la ligne. C'est l'anglais zoophilie, t'es. Mec, ils aiment bien. C'est atroce, oui. Vous êtes quand même des bons gars depuis le début. Ça aurait été pire que le titre soit juste 3 poussins. C'est tout. 3 petits poussins. Oh, vrai ou faux, une trentaine de Français adorent la bite. Une trentaine environ. Trentaine. Hein. C'est une trentaine selon les manifestants et une quinzaine selon la police. Hein. En fait, j'arrive pas à visualiser un porno comme ça. Pour moi, c'est faux. J'arrive pas à imaginer une trentaine de Français avec la bite. Ce titre, le titre, c'est pas vrai. C'est le titre, c'est tellement pas vendeur. Ils ont un stand. Une MJC. Une MJC redécorée à l'occasion. Tellement mensonger en plus. On peut y aller dans ce club très fermé. Sur 100 Français, combien aiment la bite? Bah, trente. Les érudits de la bite. Le besoin de préciser la nationalité. C'est moi, c'est dans mes recherches, c'est mon algo, tu sais. Ah oui, oui. Non, pour moi, c'est faux, ouais. J'arrive pas à visualiser. D'ailleurs, je me suis fait avoir, le French était vrai. Ouais. C'était quoi, t'es là? C'était... Ah, ça, le français ne parle pas son mot. Ouais, moi, je dis vrai. Allez, je vais dire faux. Je dis faux, ouais. Allez, je vais dire faux aussi. Un vrai, deux faux, c'est vrai. Ah, je vous jure. Putain, il y en a eu qu'une de faux, c'est pour ça que j'ai peur de mon algorithme, hein, de plus en plus. des trucs à 30, là. Ouais, ouais, oui. Ça fait nombreux. Après la zoophilie... Petite question. Sympathique. Vrai ou faux, Brune fait l'orgasme pendant la Coupe du Monde de foot. Fait l'orgasme. C'est bah vas-y, on te regarde. Fait l'orgasme. Si, mais elle le fait bien. Coupe du Monde là. Vas-y, mais elle vient au tableau. Elle a raté la finale. La finale pour faire l'orgasme quoi. Pour faire l'orgasme. L'irrespect. C'est que je fais l'orgasme très bien. Je fais l'orgasme pendant la Coupe du Monde de foot. Oh, dis donc, c'est Gilles-Noël. En mode relax. Didier Deschamps a changé. En mode latex. Ça me fait tellement rire, le truc dans les tribunes d'un stade. Oui, oui, il fait l'orgasme. Eh bah vas-y, tout le monde te regarde. L'orgasme. Il fait drôle l'orgasme. Il y a la cam, tu sais, comme au baseball. C'est du live. Ouais. Le live. Je sais plus la kiss cam, tu sais. Bon. Vous avez pas vu cette vidéo de. C'est au baseball, t'as une kiss cam sur deux gens qui se connaissent pas. Ouais. Ils se font, bah qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on le fait, t'sais, ils sont timides au début, et puis finalement ils s'embrassent. Et puis la cam reste sur eux, en fait tu vois le mari qui revient des chiottes et qui se remet à côté de sa meuf. Oh. Et du coup tout le monde est gêné. Bah c'est incroyable, ouais, incroyable. Oui, l'affiche. Le gars qui a géré les kiss cam, il dit oh la boulette. J'ai toujours voulu faire du siloche. Je tiens un truc là. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'était un vaudeville. C'est vrai. Vous aviez dit quoi tous là? On a rien dit. Bah oui, bah avant de. Moi dire. J'attends la réponse. Il va pas se tromper. Non, moi je dis. Ouais, je dis vrai. Vrai? Moi je dis faux. Brune fait l'orgasme pendant la Coupe du Monde de foot, vrai ou faux? C'est totalement vrai. Vincent. C'est incroyable. Tu dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai. C'est faux. Oh, j'ai perdu. J'ai perdu le mojo là, j'arrive plus là. 15 ans pour Orcas, je voulais dire. Carrière là. On est à presque 1h30, 1h40 d'émission, je comprends que tu puisses perdre le fil. Sans transition, je jouis sur mon cuiseur. Sur mon cuiseur. C'est tout ce qu'il mérite. Non, c'est vrai. Je savais que ça allait vous plaire. Celui-là, il est vrai. Celui-là, ouais. S'il est vrai, il est formidable. Non, c'est faux. C'est faux ? Ouais, c'est ça, c'est ta petite avance. Je te rappelle. Il est vrai. C'est beaucoup trop improbable pour toutes les infos. Ah ouais, mais tellement bien. Je chantais bien ta patte, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu, hein. Franchement, mais il m'a fait, je l'ai mis direct. Quoi, parce que c'est pas dit que ça soit pas Jules qui l'a vraiment fait. Hein. Oui, aussi, si c'est moi qui l'ai aidé, ça compte pas. On sait qu'il a un cuiseur, donc. On arrive sur les derniers là, vous inquiétez pas. Vrai ou faux, recherche appartement ou maison. Alors, c'est pas mal traduit, c'est vraiment bien. C'est oui, ça, le jeu de mots est parfait. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être juste que le titre m'a fait marrer. Le jeu de mots est incroyable. Ah ouais, non mais. Non, je pense que c'est faux. Madame est servie. En fait, ça serait une parodie pour nous de recherche appartement ou maison. Ah, Stéphane Plaza. Plaza, ouais. Mais je pense que ça n'existe pas, une parodie comme ça pour un bah, je pense pas. Tu veux dire une parodie de l'émission? Ouais. Je pense que c'est, tout est possible. Hein. Bah, t'as vraiment ce truc, bonjour, je suis votre agent immobilier. Ouais, mais est-ce que t'as envie de Plaza, un mec qui ressemble à Plaza, ouais. Non, moi, c'est faux. Des chaînes dans la buanderie, quelle idée. Allez. Moi, c'est un jeu de mots que Jules aurait pu trouver. Moi, je dis c'est faux et... Et chapeau si t'as trouvé le jeu de mots, parce qu'il ouais, il est très génial. Très bien. Il est génial. Beko, une semaine pour tout baiser. Non mais oui, moi je dis que c'est vrai, je pense que c'est... Je pense que c'est un vrai. En tout cas, j'aimerais bien de moi. Donc bien joué. Bien joué. Très beau jeu de mots, très beau jeu de mots. J'espère que tu vas l'écrire. Last but not least, vrai ou faux, il m'a pris par l'anus et j'ai chié sa queue. Allez, j'éteins mon écran. Je connais la réponse. Donc moi, il y a un moment... Je vais me poser là. Et après, on refait la liste et faut dire si on veut les voir ou pas. Oui, voilà. Qui on met au casting. Moi, j'avoue que recherche appartement ou maison, la parodie de porno. Limite, si j'ai pas envie de le voir, ma queue, j'étais mal seul, Gitcha. Plaza Damido. Il y a un truc. Le casting. Il y a un Oscar à gagner là. Tu vois, Plaza Damido et Francky. Putain, Francky. Tu vas maroufler. Le dernier. Si c'est vrai, c'est ouf. J'ai chié sa bite. Hein. Alors attends. Je vais pas me tromper j'ai sur J'ai chié la... sa queue. Il sa m'a queue. Pris par l'anus et j'ai chié sa queue. Vous m'entendez, vous, chez vous, là sur Spotify. Ouais, mais voilà. C'est là où c'est la traduction peut pas bien marcher. Ils auraient pas dit queue. Ah, c'est possible. Parce qu'en anglais, tu vois, je sais pas. Oui, c'est pas fou. C'est de l'ultra sérieux. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les decks? Il aurait dû regarder ton petit lit. Il aurait dû chier sa bite. Ton petit lit malin, là, oui, c'est ça. Il aurait pu chier la bite. C'est vrai. Pour moi, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Mais c'est quoi, vous êtes entièrement faux? C'est faux, c'est vrai. Oui, c'est complètement vrai. Attends, mais quoi? Ils ont mis chier sa queue, toi. Oui, mais celle-ci, c'est toi qui l'as postée aussi. Attends, quoi? Putain, j'ai chier. Il m'a pris par l'anus et j'ai chier sa queue. Ok. Un mardi comme un autre. C'était l'Oscar l'année dernière, d'ailleurs. Incroyable. Il l'a raflé. C'était pas loin. Non, bah merci Jules pour ce jeu. J'ai trop hâte de mater plein de pendant pour en faire un autre plus tard. Oh, bah, c'est pas nécessaire, mais après. C'est pas nécessaire, mais j'en attends match. Les sponsors viennent de se barrer là. Heureusement qu'on en avait pas. Mais si, Mobalpa, non, il y avait pas un truc Mobalpa. Oui, bah là, la table. Oui, bah oui, justement, le petit fait gong aussi. Mobalpa, ouais, on les remercie. On va passer au Roco, comme tous les podcasts français qui existent. Roco Sifred. Si on s'y prend assez vite, on va arriver à faire un podcast de moins de 2 heures. Il faut se dépêcher alors. On a. Ah ouais, putain. On y va, les recommandations culturelles. Donc, est-ce que. Bateau, vas-y pour commencer. Moi, alors, j'ai le Roco. J'ai le Roco. C'est le Roco. Non, j'ai vu la série The English récemment qui est superbe, que je vous conseille. Alors, lui, c'est The où English, c'est sur Canal. Ah, c'est compliqué déjà. Hélas. Mais c'est une mini-série en 6 épisodes qui m'a subjugué. Et ça parle de quoi? Ça parle. Oh, putain. Ça parle. Alors, ah, la c'est protagoniste, c'est Emily Blunt. Qui est, donc, tu as vu un truc passer dans une anglaise qui cherche à venger la mort de son enfant. et qui va donc c'est un western mais vraiment enfin c'est très varié, c'est très poétique, c'est drôle, et puis il y a surtout des bons portraits des Amérindiens, enfin vraiment des personnages complexes et tout, voilà, j'ai rarement vu un truc aussi fidèle ou juste je sais pas, enfin vraiment des personnages qui soient pas un truc cliché. Voilà, cliché, bon, ça fait un moment qu'il n'y a plus grand chose de cliché non plus, mais voilà, c'était vraiment intéressant sur leur place dans la société aussi, qui de toute façon peuvent pas réellement exister, donc ça les pousse aussi au banditisme, etc. Et du coup, elles forment un duo avec un ancien éclaireur paonique qui veut retourner sur ses terres, et voilà, c'est très beau. Même la musique, des fois t'as des passages, j'ai accédancé avec les loups, ou du Ennio Morricone, enfin c'est vraiment très chouette. Ah, c'est du quel format, combien d'épisodes, quelle durée? 6 épisodes. 6 épisodes de 50, c'est trop tard. Je leur dis pour toi, mais c'est terminé. Allez, on va couper ça au montage. Fucking Fred. 6 épisodes, voilà, vraiment. Mais donc c'est terminé après. J'ai chié c'est sa terminé, queue. Terminé, ouais. Vous m'entendez? Sinon, autre co, j'ai chié sa queue, alors ça se passe. Là, pour le coup, c'est le Michigan. On est un peu moins dans l'Ouest, mais. On est pas le premier chemin de fer. C'est un autre registre, quoi. Bon, c'est autre chose. Ok, mais ça fait envie de dire ça. Tant mieux, tant mieux. Ouais, ok. Tu l'as bien vendu. Ouais. Oh, c'était un peu endormi, mais foncé. On écoutait sagement. Toujours en gueule de bois, bien sûr. Oui. Vincent, toi, de pire en pire. T'avais peut-être deux rocos, c'est ça? Ouais, j'avais potentiellement deux idées, mais je vais rester sur celle que j'ai validée à la fin. Ok. T'as eu un conseil avant et tout. Conseil dans sa tête depuis 2 heures. Qu'est-ce que je dis? Quoi? Qu'est-ce que je fais? 8 itérations de lui qui sont comme ça. C'était. Donc Marco, c'était recherche appartement ou maison. Formidable. Il est bien aussi, celui-là. Écrit par Jules. Ouais. C'est un auteur. Donc je suis un fan de Baz Luhrmann, donc un réalisateur australien. Café Elvis, justement, c'est son dernier film. Tu peux respirer. Juliette, Gatsby, le magnifique. Entre autres Moulin Rouge aussi. Moulin Rouge. Beaucoup de films musicaux. Exactement, c'est pour ça justement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers qu'il arrive à créer à chaque fois. Il y a beaucoup de couleurs, il y a un jeu de lumière qui est toujours hyper impressionnant. Et c'est pour ça que je pense qu'il fait peu de films, parce qu'il prend le temps de les faire comme il veut. Et ça doit aussi coûter très cher. Donc forcément, peut-être pas tout le monde qui lui dit tous les ans, tiens, je vais te lâcher X milliards de dollars pour faire un film. Mais donc voilà, excellent réalisateur, et il a fait une série qui s'appelle The Get Down, qui malheureusement a été arrêtée par Netflix, qui date de plusieurs années, qui malheureusement a été arrêtée par Netflix, mais malgré tout, malgré le fait que du coup il n'y ait pas la fin est très ouverte du coup forcément, qui raconte l'histoire un peu de l'origine du rap entre guillemets, un peu de la. C'est l'origine du scratch, en fait, plus précisément. Et des MC, d'une manière générale. Donc on suit l'histoire d'un... Quoi d'un... Genox. Quoi le scratch, le scratch, ah oui, le scratch des chaussures. La chaussure, petite précision. Ça méritait une bonne série. Ça méritait au moins ça. Au moins ça, d'ailleurs, la saison 2, c'est sur la fermeture éclair. Putain, il est vite allé en besogne quand même. Il aurait fallu 3 séries sur le scratch déjà. Et puis. Et c'est pour ça que Netflix a dit bon, c'est peut-être pas la peine qu'on finance ça. Bon. Je pense que malheureusement, la série coûtait trop cher. Une fois de plus, Baz Luhrmann, ses univers très colorés, très musicaux, très lumineux. Je pense que ça coûtait trop cher et le succès n'a pas été. C'était au début. Netflix, faut vraiment que ce soit un carton pour qu'il continue, j'ai l'impression. Et surtout que c'était au début de Netflix, c'était au lancement un peu de Netflix en France. Et à l'époque, il y avait une autre série qui s'appelait Marco Polo. Je sais pas si. Je l'ai pas vu, mais oui. Qui était un peu le concurrent de Game of Thrones et qui n'a pas tenu. Et c'était à peu près à la même époque, c'était vraiment le lancement de Netflix international. Ils se cherchaient un peu. Ils se cherchaient un peu et la série est géniale, vraiment. Okay. Ne serait-ce que pour les musiques, il y a plein de musiques qui sont folles, qui sont composées pour la série. Ok. C'est assez incroyable. C'est plein d'intrigues de palais là. C'est pas ça? Quoi? Ça date Marco Polo là. C'est l'histoire de Marco Polo, mais très romancée, un peu fantastique, où il part en Mongolie, il rencontre Genghis Khan et tout là. D'accord, très bien. C'est très fantastique. Je pense que ça se voulait vraiment comme un concurrent de Game of Thrones, mais Game of Thrones avait trop de puissance sur le marché et ça n'a pas tenu. Mais il y a quand même deux ou trois saisons, quand même, je crois, de Marco Polo. Ils ont fait un petit film à côté. Enfin, ils ont essayé vraiment de développer l'univers, mais juste ça. Voilà, je pense que les gens étaient trop sur Game of Thrones. Exactement. Et donc The Get Down. Pour finir sur The Get Down, le comédien est d'ailleurs le comédien qui joue le rôle principal dans The Get Down et le comédien qui joue dans Détective Pikachu. Ah, pour ceux qui ont vu le héros, oui. Là, ouais, d'accord, ok, oui, oui. Je joue dans Jurassic World, non, attends. Oui, complètement, complètement. Ah, j'ai pas vu Jurassic World. Mais du coup, voilà, c'est okay. Le comédien qui joue dans The Pikachu, c'est le même qui joue dans The Get Down. D'accord. Et voilà, très très très fort. Ok. Il joue très bien, il chante aussi très bien. Et voilà, c'est, ne serait-ce que pour la curiosité de découvrir cet art qui est donc le MC, qui est un art qui existe de moins en moins. Pour ne pas dire plus du tout, parce que on a les Rap Contenders qui sont quand même un petit peu, on va dire, la pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un petit peu l'héritage des MC, parce que c'est du freestyle, du battle, un peu de face à face. Puis on a Big Ali, donc ça va. Tant qu'on a Big Ali. En vrai, quand on est allé voir des humoristes sur plateau, nous, il y avait vite fait un MC Alpha là, qui est vidéo platine. Voilà, et c'est hyper intéressant. Au reverse, c'est très, très intéressant. Okay. Voilà, je vous invite, si vous avez la curiosité, alors voilà, faut se préparer à ce qui est malheureusement une fin un petit peu trop, peut-être, ouverte. Même si je trouve que ça pourrait être pire. On voit le nombre de séries annulées où il n'y a vraiment pas de fin du tout. Là, bon, c'est très ouvert, mais c'est, tu te dis, grave, allez, ouais. ça passe. Donc voilà. Oui, tu t'en contentes quand même. Petite reco-série qui date un peu, mais très intéressante. Et du coup, je vous invite dans tous les cas à regarder la filmographie de Baz Luhrmann, qui est toujours assez impressionnant. Je n'ai vu aucun film. Le dernier, Elvis, est très bien. J'ai beaucoup aimé ce qu'il en a fait. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait du biopic de. Les biopics, oui, c'est toujours spécial, oui. Le biopic, et je trouve qu'il en a fait un truc hyper intéressant, parce que justement, c'est pas trop... C'est très libre. Ouais, c'est pas trop raconté. C'est-à-dire qu'on suit quand même vraiment la vie d'Elvis, mais il y a une part de liberté qui est mise en avant. C'est hyper intéressant. Puis Tom Hanks, quoi, ne serait-ce que pour Tom Hanks, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de voir. Et pour moi, il a été... Il joue le producteur de... Oui, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. De Elvis, qu'il avait... arnaqué, quoi. Enfin, il prenait 50% de tout, quoi. Donc, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Macron. Non. Il a pressé. Oui, c'est pas en tout cas. Il a pressé jusqu'à la moelle, et c'est, je pense. C'est ça qui l'a tué. C'est parce que les personnes qui ont fait qu'Elvis est mort jeune. Mais voilà, très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pareil, musicalement. C'est le premier que je verrai de Baz Luhrmann. Musicalement, très très beau aussi. Et puis, Austin Butler, il y a eu un gros travail pour rentrer dans la peau d'Elvis. Il lui disait lui-même d'ailleurs qu'il. Longtemps après, il parlait comme Elvis. mais il le fait vraiment, et il a même physiquement, il a vraiment réussi à choper les gestes d'Elvis sans que ça fasse regarder. Je suis un comédien qui joue Elvis Presley, tu vois. Ouais. C'était très impressionnant, très très impressionnant. Ouais. Très bon film. Inscrit dans sa gestuelle. Et toi, Clément Cool 69? Ben moi, j'ai galéré à trouver un peu. Oh, je pense que t'as pas fait tes devoirs. Ouais, non, mais si, j'ai trouvé quand même quelques trucs. Ouais, en fait, tu pourrais, hein. Quoi? Boomerang fou, hein. Ouais, bah, ce que j'ai dit au début, en vrai, allez-y, foncez. Non, j'avais vite fait, entre le dernier podcast et maintenant, je suis allé voir The Whale au cinéma. Tu as sûrement vu avec ton abonnement. Malheureusement, je n'ai pas encore pu y aller. C'est pas vrai. Donc, je vous conseille fortement d'aller le voir. Super, c'est pas il démérite pas tous ses prix et tout, enfin voilà, il est vraiment superbe, il est ultra touchant, bouleversant, pareil, ouais, et le jeu de Brendan Fraser aussi impressionnant, enfin voilà, c'est un huis clos qui est vraiment formidable, super bien écrit, et puis voilà, et la musique je trouve aussi magnifique, mais il a l'air bouleversant, ouais. La musique c'est vraiment une nappe tout le long, mais en fait c'est justifié pour la fin, et enfin ça marche super bien, et ça peut être hyper efficace, hein, je suis ouais, et en fait c'est un huis clos, mais tu tournes, enfin j'allais dire tu tournes pas en rond, quoi, c'est vraiment prenant et très bouleversant, ouais, donc je vous le conseille si vous avez le temps d'aller le voir encore au cinéma, je sais pas s'il est encore dans beaucoup de salles, mais Comédia peut-être, mais les autres je sais pas. Ouais, moi j'ai déjà vu au Comédia, et c'était je l'ai vu un peu plus tard, un peu tard déjà. Et puis t'es bien là pour le Comédia. J'aime trop aller au Comédia, je suis allé voir aussi Sur les chemins noirs, je crois, c'est ça. Ah oui, avec Jean Dujardin. Jean Dujardin, ouais. Qui est une adaptation du livre de Tillier. Non, c'est pas Tillier. C'est Stéphane. Non, attends, je confonds. Ah non. Non, pas Tillier. Non, on n'a pas le livre, c'est ici. Mais c'est hanté, oui. Je vais chercher. Pour pas... Refaites une petite musique. On vend toujours une carte son. De Marc Behringer, je crois. C'est l'occasion de placer. Bah, on l'a toujours. Si quelqu'un la veut. On coupe l'enregistrement de la pub, du coup. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, voilà. Voilà. Ouais, donc sur son. C'est son histoire. Stéphane, son nom. Ouais, Stéphane Chausson, là. C'est lui, le bien nommé. L'histoire vraie de Sylvain Tesson, du coup, avec Jean Dujardin. Et c'est vraiment trop bien comme film. C'est. Ok. Bah, en fait, c'est vraiment tout bête. Hein. Sylvain Tesson. En gros, Jean Dujardin joue Sylvain Tesson, on le sait, parce que c'est adapté du livre de Sylvain Tesson, qui est sa biographie, d'un passage de sa vie. Mais il joue pas Sylvain Tesson, il s'appelle pas Sylvain Tesson dans le film, mais on sait que c'est lui. Et il a pas exactement. En gros, que j'explique l'histoire. Sylvain Tesson est un auteur très connu, un aventurier surtout très connu qui a fait La Panthère des Neiges, je sais plus, un truc comme ça. Il est parti dans le Grand Nord filmer des animaux très rares et tout. Qui avait l'air incroyable ce documentaire. Qui est sorti il y a deux ans. Et voilà, ouais. J'ai pas vu, mais il faut le voir. Ouais. Et du coup, voilà, qui a fait pas mal de livres là-dessus, qui a accompagné des photographes et tout, et qui du coup aime beaucoup marcher, etc. Et voilà. Et en fait, il a eu un accident il y a quelques années en tombant d'un immeuble. Parce qu'en fait, il aimait bien faire des blagues, et il escaladait les immeubles de ses potes, comme il a l'habitude de faire de l'escalade, pour leur faire des blagues, et taper à leur fenêtre et coucou quoi. Et en fait, il est tombé. Voilà, ouais. Ça fait ça. Donc, bien fait pour ta gueule! Attendez, il va atterrir. Voilà. Oh, il a atterri sur le bouton. Ouais, c'est long, hein. C'est long. Il a fait un plat. Il est tombé sur le noyer. Exactement la durée. Hein. Il est juste, hein, Jules. Il est au poil. Donc ouais, il a été. Il a eu beaucoup de séquelles. Mais en vrai, dans la vraie vie, Sylvain Tesson, même toujours aujourd'hui, il a la moitié du visage paralysé et tout, et c'est bien plus grave, je trouve, qu'il a aujourd'hui. Je regrette du coup. Mais dans le film, Jean Dujardin a l'air moins handicapé quand même, même si en fait on voit qu'il a du mal à marcher. Et donc Sylvain a décidé en fait quand il est à l'hôpital en fait de pas s'arrêter et alors que tous les médecins lui disaient qu'il remarcherait sûrement pas. Okay. Il se dit je vais quand même traverser la France de l'ordre du sud-est au nord-ouest, je crois, quand je pourrais marcher. Donc il s'est battu pour marcher, et donc le film suit le périple de Sylvain Tesson en quelque sorte dans toute la France, genre la diagonale du vide. Donc en fait c'est des décors trop beaux où il y a personne, et donc le film est vraiment beau, c'est ultra dépaysant, alors que c'est tourné finalement pas loin de Lyon. En fait, il y a beaucoup de trucs en Auvergne-Rhône-Alpes et tout. Ouais. Et c'est super bien écrit, parce que c'est donc beaucoup de monologues de Jean Dujardin. Jean Dujardin joue trop bien. C'est pas nouveau ça. Je sais pas. Non, je rigole. Non, mais je trouve qu'il joue bien en vrai. Non, c'est vrai, ça fait un ou deux films qui commencent un peu à. C'est vrai, tu te rends. À être au niveau, quoi. Non, pas du tout. Il a de l'espoir, le petit. Mais du coup, comme c'est tiré d'un. Je prendrai sous mon aile. Tu le formeras. Mais du coup, comme c'est tiré d'un livre, il y a beaucoup de scènes où c'est de narration et tout, où il lit des monologues et tout, et c'est super passionnant. Et donc je vous conseille d'aller voir. Ils se font bien, donc en Sylvain Tesson. Bah ça marche super bien, ouais. Et tu vois vraiment l'épopée que c'est en fait, alors que c'est un mec qui a quand même normalement l'habitude de faire des trucs de fou. Là c'est juste traverser la France. Puis bon après, oui, donc même c'est ça c'est quand même pas facile. Mais... Ah bah non c'est sûr. Mais tu sens vraiment le travail intérieur qu'il a eu à faire, et après la libération à la fin. Et voilà, c'est passionnant. Voilà, je vous conseille. Bon, c'est un peu. Enfin, je le conseille moins que The Whale, tu vois. C'est plus un film. Français qui a potentiellement un peu de défauts, mais voilà, si vous allez aller voir un film dépaysant et français qui a une bonne qualité, allez-y. Eh ben très bien, ça donne. J'avais un autre truc, mais c'est pas grave, je le ferai pas la prochaine fois. Parce que t'as vu que c'était 118 minutes. J'ai traîné là-dessus, désolé. On a 2 heures là. On est bientôt. On est à 118 minutes actuellement. Vas-y, sachant que j'avais commencé un petit peu avant. Moi, très rapidement, je me suis refait les deux premiers Austin Powers. C'est toujours aussi marrant, c'est très très bien. Et il y a plein de blagues que je comprends maintenant que je comprenais pas avant. J'ai vu The Menu, c'était très bien. J'ai vu juste comment faire The Menu. Je veux bien parler. C'est le film d'horreur, enfin un peu thriller. Oui, oui. On peut dire oui. Nicolas Hoult et Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Johnson, mais aussi comme c'est, Nicolas Hoult. Ouais, Nicolas Hoult, ouais. Y a du monde en vrai. Hein. Ouais, y a, ouais, ouais, le mec qui jouait Luigi dans l'ancien film Mario, j'ai oublié son nom là. John Leguizamo. Oui, ah, oui, un truc comme ça. Oui, un truc comme ça. Ouais, le casting est très très bon. Y a du monde. Toujours un truc comme ça, quoi. Et ouais, c'était pas mal du tout. Ouais, ok. C'était bien. C'était, bah en fait, je veux pas en dire trop. Ouais, faut pas en dire trop. C'est ça. Tu l'as vu aussi? Ouais, je l'ai vu aussi. Je t'invite juste à le regarder. Ok. Je crois qu'il est pas ultra long en plus. Franchement, il doit faire 1h40, non? Ouais, j'ai trouvé limite trop court. Il aurait pu avoir un peu plus de. Alors moi, j'aime les films courts, mais en tout cas, ultra digeste, je trouve. Ouais, ah oui, ouais, un peu. Pour un film dans la cuisine. Tu l'as écrit, ta chronique ou quoi? Ouais, mais un peu. Les histoires machines. Un peu psychologique, le truc un peu bizarre, non? Ça a l'air. Je t'en dis pas plus. Allez, ça marche. Je peux pas t'en dire plus. J'ai vu Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, c'est kitsch, mais c'est pas si mal. Et Stéphane de Lucas Pastor et Timothée Hochet. Et alors, toi, je vois pas dire plus. Bah, mais du coup, tu l'as toujours pas vu. Faut que je me bouche les oreilles ou... Non, mais oui, comment? Non, mais c'est ce qu'on fait là, c'est un podcast. C'est pas une question tant de pas spoiler les auditeurs, mais toi, je pense que t'apprécieras particulièrement je te laisse le découvrir. Ouais, comme ça, ouais, je suis grave chaud pour le découvrir. C'est trop bien joué, c'est à la hauteur des espérances. Oui. C'est plein de petits, comment dire, de petits détails fourmillants. La bâche dans sa voiture, je trouve, c'est con. Oui, hein, non, mais tu dis, bah oui, évidemment, et plein de trucs comme ça, des. Plein de petits tropes même de scénario, c'est très bien pensé. Explique. Hein? Explique, c'est quoi? Stéphane, c'est un. En fait, c'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui essaie de faire son film, un court-métrage sur le FBI, machin. Il va rencontrer Stéphane, un cascadeur un peu artificier, qui va commencer à discuter, et puis finalement par une série de péripéties, ils vont se retrouver chez Stéphane à essayer de tourner un film, puisque Stéphane a des contacts dans le cinéma et plein de costumes, etc. Ça, c'est la partie a priori, oui. Voilà, oui. C'est le début. C'est la nappe. Ce n'est pas le dressage de table entier. Et voilà, non, c'est très drôle, c'est trop bien joué, c'est okay. Plein de trucs que et c'est dispo sur MyCanal. Sur Canal Plus, oui, MyCanal. Après, toi tu l'as trouvé, c'est quoi d'ailleurs ton site? C'est Canal Plus, c'est illégal. C'est Canal Plus Premium. C'est le compte Canal plus payant, c'est payant. Plus Canal Plus après paiement en carte. Il paye très très cher pour ça, ouais. Ah, oh là là. Aïe aïe aïe. Oui, c'est vrai que c'est cher la facture. Tu t'es fait faire vendre les micros. C'est pour ça qu'il faut absolument vendre la carte son. Oui, voilà, bah si on repasse l'annonce encore. Et bon, et très vite fait, du coup, ma vraie reco, c'était un podcast qui s'appelle Heure Indue, présenté par Johan Rock, où en fait, c'est un insomniaque qui se balade dans la rue avec des célébrités. Donc la première, c'est Alexandre Astier. Après, t'as aussi Bruno Salomon, Bruno Solo, Clara Morgan, Jean Lassalle. Il y a eu Benabar, il y en a plein. Ah, oui, et ils se baladent la nuit comme ça. Et en fait, tu les entends juste discuter un peu de tout et de rien. Et je trouve ça très intéressant. Trop bien. Voilà. Alors, il se la joue vachement parce qu'il fait une partie narrative en mode. Là-bas, il y a le petit mec qui vend son café au Trocadéro. Je l'aime bien, ce gars, tu vois. Il fait grave des trucs comme ça, tu vois. Bon, un peu old school de ce point de vue-là, mais quand même agréable, voilà. Ok, ça fait envie, un peu. C'est l'équivalent en voix masculine de Chantal Latsou. C'est encore mieux vendu, là. Il fait plus. Alors là, il y a le petit gars qui vend son café. Qu'est-ce qu'il veut? J'aime bien celui-là. Putain, Marie. Bon, on aime bien le faire avec Ah ouais, bah, Chantal Latsou. Eh ben, mes petits amis. Ouais, bah, c'est bien, on est à la fin de l'émission. Votre actu, vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut aller vous voir un peu au théâtre? Eh ben, on peut. Bientôt, ouais, on peut. Ouais, on pourra nous voir la dernière semaine de juin. Ok. Voilà, du mardi 27 juin au samedi 1er juillet. Très bien. Où on jouera ensemble, du coup, notre pièce de fin d'études. Et c'est où? À l'école. Le cours Myriade. Là où on avait déjà vu. À Hôtel de Ville. Oui. Ouais, voilà. Exactement. Même endroit. Ouais. C'est à côté d'Hôtel de Ville à Lyon, pour les Tout Lyonnais qui nous écoutent. La pièce, c'est Paparazzi de Matteï Wisniewski. Voilà. C'est au chapeau. C'est vrai, c'est qu'il a dit le nom de l'auteur. C'est au chapeau. Ah, oui, c'est... Je crois que c'est genre 5 balles l'entrée, un truc comme oui, ça. Oui, c'est 5 balles. C'est 5 balles, bah, oui. C'est bon. Une bouchée de pain. Je crois que c'est ça. Quand même, mais voilà. Donc il y a 5 soirs, tous les soirs à 20h. Trop bien. Du mardi moi, j'y serai, c'est sûr. Eh ben, avec grand plaisir. Oui, oui, bon, je pense sur toutes ces dates. J'espère vous voir. Oui, oui. On a très envie de vous voir. On va bien se libérer. On vous avait déjà vu... Enfin, moi, je vous ai vu 2 fois. Oui. Toi, 1 fois. Et c'était trop cool. Ah oui, oui, t'as vu. J'étais retourné voir, ouais. Et c'était trop bien. Je vous conseille. Le concours de qui est le meilleur pote, apparemment. Pas de problème. C'est là que tout est révélé. On réglera ça hors émission. Non, non, on en profite. Prochain épisode, je serai tout seul, du coup. On va régler ça à Boomerang Fou. Yes, ça va trop bien. Tu sais très bien qu'on peut régler ça qu'à Boomerang Fou. Ce n'est pas validé. On peut vous voir où? On nous retrouve sur Insta. Nous, bah, ouais, en vrai, c'est vraiment sur Insta que je peux me trouver le plus souvent. @julesss. Donc JULESISS. Parce que t'adores l'espace et tout ce qui se passe. Ouais, putain, j'ai peur de ce que t'allais dire. Mais sans le oui, oui, c'est très bien ça. Exactement. C'est vrai en plus. Oui, des stories à vocation rigolote. Moi, Clem of the Dead sur Insta, mais je poste pas grand chose. Je poste moins de trucs, mais j'ai même pas posté qu'on enregistrait. Ah oui, quel est ton Instagram, Théo? Influenceur. Ah oui, toi, Théo. Mon Instagram, moi, c'est Crabjack. Crabjack. Jack Crab. C'est Crabjack, mais ça peut changer. C-R-A-B-B.G-A-C-K. Bah voilà. Mais c'est possible parce que t'es venu 4 fois. Et c'est possible que ça soit à chaque fois 4. Il y a moyen que ce soit différent à chaque fois. Baroque, Rocker. A duré, je pense, 2-3 ans. Tu vois, c'est ton plus long. Il est resté un moment. Ouais, ouais. Et avant, je sais plus ce que c'était. Baroque, Glam Rocker. Ah, il y avait ça. Ah oui. Il y avait ça. Et toi, Vincent, un Insta peut-être? Vincent Navarro. Tout simplement. C'est attaché, j'ai réussi. J'avais tout attaché. Navarro et Navia 2-0. Même pas une césure à l'hémistiche, rien du tout. Mais rien du tout. Genre, c'est incroyable, j'ai réussi à avoir. Ouais, t'as eu le nom de domaine. Bon, t'es sûr qu'il n'y a pas de double sur Insta. Et j'ai oublié de dire, pardon, suivez le Instagram des Deep Mérys pour voir un bout de mon travail, de ce que j'ai filmé. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Et moi, bah regardez. Si vous voulez voir mon travail, non mais vous allez sur la chaîne d'AlphaCast, les résumés de TableQuest, c'était moi qui les monte. Si vous voulez, je sais pas, quoi d'autre, il y a des interviews sur Twitter aussi, X-League et tout ça, voilà. Bon, bah, plein oui. de boulot de ZQSD, Alzilan bientôt, The Event un jour, peut-être. Tout ça. Et il continue, je crois qu'il avait arrêté les. The Event, ça va changer de format, ah, mais okay. Ça sera ça. Voilà, mon actu chaud, c'est l'Azilan, si vous voulez me voir, mais bon, faut payer l'entrée donc. Non. Voilà, donc, je suis juste en taf, donc je n'ai pas. Voilà, bah merci messieurs, les gars. Merci à vous. L'émission. Merci. On a dépassé les 2 heures, on n'a pas réussi à. On verra quand on coupera le début. C'est vrai, il y a peut-être des petits moments. Ça y est, 55 secondes, on a dépassé les 2 heures. C'est mort, c'est mort. En tout cas, ouais, c'était passionnant de parler théâtre avec vous. Vraiment, c'était trop bien comme émission. Merci Jules, encore une fois de plus. Voilà, on se retrouve. On se retrouve avant la fin de l'année, quand même, scolaire, quand même, pour en faire un petit dernier avant la fin de la saison. Pas mal. Oui. Wow, avec son regard mutin là. Ah, là. Ce serait bien quand même. Il regarde. Mais si c'est parlant pour les auditeurs. Si t'es mutin. Bon bah passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bisous.